Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 142 de chez Papa Cassette. Salut Jeff. Salut Dom. On était en train de parler qu'on devrait rouler nos airs maintenant. Bien rouler nos airs comme Fred Caillou qu'on vient de voir au chemin. Absolument. Avoir un contenu plus radio-canadien, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. On s'ennuie de la belle époque des années 1970 où est-ce que tout le monde roulait leur air. Tu sais, des fois, ils font ça à TV. Ils passent des vieilles entrevues Vox Pop avec les gens. Puis là, tout le monde a un beau perlé là, qui tout roule. Tout le monde parlait bien, ouais, ouais. Ah, c'est, bien c'est, roulé. C'était malade. Le monde parlait. Ce monde-là parlait-tu de même dans la vie? Oui. Là, ben, comme ça, ou c'était juste parce que c'était à la TV, il fallait que ce soit propre? Là. D'après moi, tout le monde parlait de même tout le temps. C'est débile, ça. Pourquoi est-ce qu'on change? On a arrêté ça. De ben, rouler nos airs. On devait ramener ça. Ouais, c'est ça. On a cochonné le langage. Oui, tout à fait. C'était beau, ça. Il y avait du respect dans ce temps. La belle époque. Il a un peu manqué de respect chez moi tantôt. Ouais, on est un petit peu en retard d'ailleurs. Là, on est un petit peu en retard parce que j'ai des enjeux avec les gars qui ont fait les travaux chez nous. Et puis, on a remis quelques petits trucs en question et ça les a mis très en colère. Puis, bien sûr, on a parlé de paiement aussi qui nous reste à faire et que là, quand tu te mets à comme... peut-être un peu menacer leur argent. C'est une bonne façon, l'argent, de faire réagir toujours. Les gens. Fait qu'on a eu des toujours. Résultats. Ils sont venus à la maison, malgré qu'on leur a dit « Venez pas, on est busy ». Puis là, ça a été comme une tornade. Et puis, c'est que ça avait juste pas d'allure. Là. Ah. C'était très... Tout le monde se criait après. Ça avait aucun sens. Je suis sorti de là, je mangeais une banane, mais c'est venu ici. Je suis vidé. C'est comme je suis épuisé. Fait que ça se peut, là, je manque un peu de voix, là, mais ça va bien aller, là. Puis moi, je fonctionne sur une nuit et demie de sommeil manquante, donc ça va être merveilleux ce soir. Exact. On va être très en forme. Là, t'as combien de sommeil dedans, le corps? J'ai un 7 heures de hier, mais il me manque une nuit complète, là. J'ai pris l'avion entre lundi... Ok, t'as skippé une nuit complète. De lundi à mardi, j'étais dans l'avion, puis j'ai pas dormi dans l'avion. Puis la veille, avant de partir, j'ai dormi 4 heures, même pas. L'autre jour, j'en avais un autre 4 heures aussi, fait que... 4, ça fait un 15 heures en 5 jours. Ah, mais tu sais ce qu'ils disent, hein, le sommeil, ça se rattrape pas vraiment. Là. Ouais, non, mais c'est accessoire, c'est pas grave. Ça. Ben... du café et de la bière. Là. Exact, exact. Le Jim Muzio qui est là. On va te saluer au monde dans le chat d'ailleurs. Là. Ben oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jim, toujours là. Monseigneur Neveu qui était très tôt. Salut Seigneur. J'aurais bien pris des Doritos ce soir pour souper. On verra après. Corbin Dallas. Papa Chaff. Papa Chaff. Heureux de nous voir, Papa Chaff. Corbin Dallas dans la place, comme tu dis. Puis Fred qui est là. Ben salut, oui. Salut. J'ai oublié de le faire. Tu souhaiteras un joyeux anniversaire à ton épouse. C'est son épouse aujourd'hui. C'est son épouse aujourd'hui et plusieurs jours avant. Et c'est aussi son anniversaire. Oh, bonne fête, Fanny. Alors, bonne fête, Fanny. On te souhaite plein de Sonic. Oui. Partout. Plein de Sonic. Surtout deux petits Sonic qui courent dans la maison. Ben des bisous, mes amis. Bon, voilà. Yes. Tu prenais-tu une bière ou t'es trop brûlé? Ah, non, j'en ai de besoin. On va y aller, je vais me diriger vers le frigo. Ça va prendre d'ailleurs le GoPro dans le frigo bientôt pour oui. Que je rajoute au montage. Puis là, au dernier épisode, on a installé, ben, GF a setupé la petite vache dans le milieu. Ça marche-tu? Elle a-tu imbibé un peu d'odeur de fumée? Hey, je prendrais une. Il reste une ping-pong à épier, là, dans la porte. Ben oui, il en reste une. Parce que, mesdames et messieurs, il en reste encore. Bonsoir, Blastman. Le frigo, il a baissé à peu près de 50%, je dirais, en 2 semaines. Tu parles de la quantité de bière ou de... Non, la saveur, l'odeur. C'est les cannes, ils sentent, mais ils étaient là avant la vache. C'était imprégné, puis il faudrait peut-être le laver aussi. Je l'avais nettoyé avant, là, il devrait pas sentir tant que ça. Ouais, mais tu sais, on peut-tu laver une odeur? Je pense pas. Mais je pense qu'on peut remettre une autre petite vache dans un mois. Après. Ah, ben oui, on pourrait doubler les vaches. C'est écrit sur la boîte, on va se mettre ça dure un mois, il faut t'écrire la date dessus. Pis tout, c'est fait de même. Mais okay. Un troupeau de vaches dans le petit frigidaire. Exact. Mais là, Monseigneur, c'est pas obligé de nous envoyer des. Une caisse de vaches, là, on va s'organiser. Mais on va arranger ça. Monseigneur Neveu, il est là, on veut. El Jim sur le show. Ça va venir. Il sent bon le frigo. Bonsoir. Tout le monde est là. Suivez d'ailleurs les podcasts à Fred, là, en deux parties. Oui, il a recommencé, là, Fred. Là. Fred a pris, je sais pas, une semaine de vacances après avoir eu un enfant, puis il est déjà revenu. Là. J'allais niaiser. Disant, ça doit bien être long, avant qu'il reprenne ses affaires. Oui, ouais, il est revenu, en effet. Alors, un pro. Un pro, allez sur le hub, sur Discord, H-U-B. Tout est là-dedans, mesdames et messieurs. H-U-B. Ouais. Fait que, ouais, je vais m'ouvrir ce qui est l'avant-dernière pixel qui nous reste. Il reste juste une belle mont. Il reste juste le vin d'orge. Et en backup, quand on va en avoir vraiment besoin, on va être down, comme sort le vin d'orge, là, à ce moment-là. Puis je me demande si on devrait pas l'élever au même statut que le Porto. Tu sais, comme juste jamais le boire. Porto vin d'orge. Vin d'orge 20 ans, tu sais. Vin d'orge en boîte. Je sais pas si le vin d'orge, ça prend du goût, tu sais, en vieillissant. Je sais pas les bières, pour vrai, si ça prend du goût, ça prend. J'ai quand même jeté une bière qui date de 7 ans chez nous, fait que j'aurais peut-être pas dû, là, mais. Mais oui, il y en a. Les IPA, ça baisse de torque en houblon, mais il y a des bières, bien sûr, qui sont faites pour vieillir, là. Fait que voilà. Jean-Michel panique qui dit que le Porto reste pas longtemps chez eux. Ouais, hein. Mais c'est bon du Porto. Ça fait trop longtemps que je n'ai bu. Là. Ouais, moi aussi, mais c'est parce qu'il était vraiment. Il est dans le lore, ce Porto-là. Là. Au 200e épisode, on achètera une autre. Ben, on la boira, puis on fera une nouvelle. On deviendra aveugle sur le show, peut-être, on sait pas. À voir, là. Bon, les bonnes vieilles jokes d'aveuglement de boisson. Ça lâche pas. Ça, c'est pour toujours, ça. Je connais qu'on devienne aveugle pour vrai, là. J'ai assez hâte, là. Je sais pas quel de mes sens va me lâcher en premier. Colin. Mes yeux, vraiment. Le gros bon sens. Oui, ça s'en va tranquillement. Ça là. S'en vient, ça. C'est pas loin. Hein. Les conservateurs vont nous mettre ça en place. La démence, les conservateurs. On va se faire canceller. Alors, en introduction, je voulais parler. C'est drôle, hein, ma joke du gros bon sens. C'est le premier sens qui va se perdre. On l'a pas en série, je pense. Elle était très bonne. Ça, c'est le 7e sens. Alors, combien on a de sens? On a 5, ça? 5, ok, c'était le 6e. Ah ben oui, le 6e sens, comme le film. Le 6e sens, c'est le gros bon sens. Mais c'est sauf le premier si tu, que tu perds. Sauf si tu comptes l'œil dans le front, là, ça peut être le 6e sens. Là. Ah ouais, hein? Donc le 7e, on s'en va dans le lore, là, des Indiens et tout ça. Ok, ben là, on n'ira pas là. Non? Là, c'était peurant. Mais où est-ce qu'on va aller? C'est dans une place tout aussi épeurante. Il s'agit de Saint-Hubert, sur la rive sud, Jean-François, proche de ta résidence. Ben oui. J'ai été invité à participer au... Ben, ils appellent ça un podcast, là, mais c'est une vidéo, là, en fait. Alors... ça, un podcast, c'est tout le temps vidéo, à peu près, je pense. Là, c'est... Ben, en fait, c'est que je pense qu'il n'y a pas de version audio seulement. Ah, okay. Fait que, ben, bref, j'ai été invité à une émission de vidéo du coin Game Over, donc la boutique de jeux vidéo sur la rive sud. En arrière du AEW. Exactement, on peut pas la manquer grâce à ça, le beau AEW. Puis c'est ça, eux autres, ils font quelque chose, ils font une émission qui s'appelle « Vends-moi ça ». OK. Et puis ils invitent un invité à vendre... sa salade, à vendre deux affaires qu'il aime. OK. Ah, c'est fait que cool, toutes sortes d'invités. Là, il y a quelques saisons qui existent de ça. C'est un beau concept, oui. Ouais, c'est cool. Puis il y en a sur leur YouTube, mais c'est des plus vieilles saisons, les plus récentes, si vous voulez les voir, à ce que je comprends puis à ce que j'ai remarqué. Ils sont dans la section vidéo de Facebook. Sinon, Mike, un des propriétaires là-bas avec qui j'ai fait la vidéo, il me disait qu'il y en a une coupe en backup, mais t'sais, qu'il faut qu'il y ait spread. Fait que bref, j'ai été invité à faire ça. Et puis, lui, dans le fond, il enregistre la saison complète l'été. Et puis, c'est diffusé à l'automne. Comme les Denis. Ah ouais, hein? Les Denis Relais, je pense qu'ils font ça d'une batch, puis ils sortent ça après ça sporadiquement à chaque semaine. Là. C'est vrai, Denis Barbu m'avait dit ça quand il est venu... nous vendre des cassettes et nous acheter des fois cassettes. Ils droppent genre des dates, c'est comme ils sont au mois de mars, sont au mois de juillet, j'aime OK, c'est ça. Ben c'est pratique hein, ça leur fait comme un genre de cash de ils sont en show aussi là, ils se promènent là, ils font des lives, fait que c'est vrai. Fait que bref, c'est ça, il fallait je me doutais que ça allait déraper un peu puis qu'on allait parler de tout, tu sais, moi les choses que je voulais vendre, j'avais pas tant de choses à vendre, je me suis dit je vais parler de la NES, tu sais, mon amour pour la NES, puis après ça peut-être Castlevania, mais aussi la vie de business, de propriétaire de boutique de jeux vidéo, tu sais, l'entrepreneuriat pis tout. Puis finalement, c'est juste allé dans tous les sens. On a parlé beaucoup de boutiques de jeux et puis on a parlé de Nintendo, de l'avenir des jeux vidéo, comment est-ce qu'on voit ça, le numérique, les affaires, les enjeux qu'on vit, comme je disais, à travers les boutiques, là, tu sais. Puis finalement, on a parlé un peu de Castlevania, mais ça l'a très vite dérapé, tu sais. Fait que c'était un show qui durait environ une heure et demie. Et puis, ça a passé comme super vite. Puis, ça coulait super bien avec Mike. C'était super le fun. Puis, tu sais, il était... c'est important quand tu fais un show de même puis que t'es l'intervieweur, de laisser l'autre parler. Ben oui. Il y a des gens qui sont des mauvais intervieweurs. Ouais. Il y en a qui parlent plus que l'invité souvent. Là. C'est, ça, exactement. Ça arrive, là. Comme dans Péris. Dans Péris. Clément Bisson. Mais Clément Bisson, c'est ça. Mais c'était pas le cas, en fait. Puis au contraire, fait qu'on bondissait des idées puis c'était vraiment super le fun. Donc Mike, une personne très passionnée. Et puis les gens du Game Over, j'ai jamais rencontré Simon encore, mais Joey était là et puis les gars, ils sont ben, super c'est cool gentils. Ça, quelqu'un d'un magasin qui invite quelqu'un d'un autre magasin, c'est nice. Ben ouais, c'est cool. Comme j'avais déjà dit sur le podcast, si peut-être que j'avais l'intention de faire la même chose, mais tu sais qu'ils l'ont fait en premier, ben ouais, alors ça a été... Tant mieux, c'est vrai, ça. Ben oui, c'est très gentil de leur part, alors je les remercie. Et puis, j'ai bien hâte d'écouter ça. Ça a super bien coulé. Bon setup. Fait que cool shit. Excellent. J'espère qu'on n'a pas trop ventilé, par contre, sa clientèle. T'sais, parce que, tu sais, veux pas, des fois, t'es comme... Tu chiales sur un truc. Tant que tu n'as pas de nom direct. Non, il n'y a jamais de nom, là. Mais tu sais, t'es comme, ah, quand les clients font ci, quand les clients font ça, tu sais. Mais... Tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Tu passes beaucoup de temps à te souvenir puis à parler des affaires qui gossent ou qui des très, ouais, des très bien, petites piqûres ou blessures que tu subis. Puis tu remarques pas tout le... Tu parles jamais... Ton 95% des clients qui rentrent, qui achètent une cassette, qui disent « Hey, c'est là ton magasin » puis qui s'en va, tu t'en rappelles pas. Tu t'en rappelles plus, mais tu t'en... 98% même. Pas de mention, là, on se souvient tout le temps des problèmes parce qu'il faut les gérer. Ça m'a fait sur genre les commentaires, sur les posts, sur YouTube, whatever. Tu te souviens du un commentaire de quelqu'un qui a chialé parmi 10 000 qui ont été contents. Ben oui, c'est tout toujours, le temps de même. C'est toujours comme ça, tu sais. Puis là, tu sais, moi, je mets mon logement à louer présentement sur Facebook, Marketplace. Man. Les swarms de monde là, qui rient de nous autres. Ah, là, qui rient de nous autres. Ouais, à cause du prix, qui nous envoient chier, qui disent, tu sais, comme on est comme des monstres. C'est une perte là, de t'sais. Temps, ça, là. Hey, man. J'ai mis l'annonce sur une page Rosemont, mon quartier. Puis j'avais pas le droit, apparemment. Ah. Je savais pas. Mais bref, elle a été là pendant plusieurs heures. Man, j'étais comme un monstre, là, tu sais. J'étais la pire des trous de cul, tu sais, comme une racaille de. Profiteurs du monde et propriétaires. Puis ça faisait encore. Profiteurs du monde parce que c'est un logement à louer. Chris, un hostie de beau logement à louer. Il est beau, puis je l'ai vu le prix, puis ça me semble être correct. Ça me semble pas si cher le prix. Là. Ça me semble être un très bon prix. On a mis comme 50 000 piastres là-dedans. T'sais, c'est fucking propre. Moi, j'habite en dessous, t'sais, comme je monte, je prends super soin. Tu m'appelles, je suis là. On est accommodant, on est gentil. Nos enfants vont vous dire bonjour. Tu sais, man, t'sais, le monde. On leur doit tout, tu sais, j'en reviens pas. C'est tout le temps, tu sais. Puis là, je vais être du bord, là, je vais être d'accord avec la droite, je vais être anti-gauche, là. On dirait que c'est tout le temps comme l'extrême gauche qui blaste, tu sais. C'est tout le temps leur côté de la médaille, tu sais. Ouais, ouais. Il y a jamais le côté de la médaille des propriétaires. Tu sais, il y a toutes sortes de propriétaires. Il y a des propriétaires qui ont fucking 200 portes, là. Ouais, des ouais, blocs ouais. À coquerelle, tu sais. Puis qui, genre, qui crossent le monde, puis qui font des affaires, puis voilà, ils s'en foutent, là. Il y a ces propriétaires-là, puis il y a moi, tu sais, aussi. Puis il y en a d'autres. Mais tu sais, tu peux chialer quand t'es dans le logement, contre le proprio, contre le prix, whatever. Quand t'as pas loué rien, fends ta calisse de gueule. Exact. Fais juste pas commenter. Moi, je vais pas commenter ces maisons qui me coûtent 15 millions, ça n'a pas de bon sens. Calvaire, non, le monde. C'est ça. C'est combien de temps vous avez à perdre dans la vie? Ah, non. Il y a une mouche, un ciseau, c'est pour ça, si je fais des mouvements weird, là. On va avoir des On essaye de la poignée tantôt. Mais c'est comme tu dis, tu sais. Puis là, ça me trigger un peu quand même. Puis là, je me dis, hey, attends un peu, là, moi, il expliquait la vie, moi, là, à ce gars-là. C'est pas du temps expliquer à quelqu'un qui n'ouvre pas ton logement. Ah non, je ferais pas ça, là, tu sais, combien de temps, tu sais. Puis là, ça va être back and forth, puis là, je vais me craquer, il va se craquer, puis là, je vais être brûlé, puis j'ai des choses à faire. Ça t'arrive-tu de comme, commencer à répondre à un commentaire, puis faire comme efface, puis t'en aller? Si tu savais. Moi aussi. Là, je suis rendu au level où est-ce que je commence même plus à répondre. Ouais, moi aussi, mais c'est ça. Mais oui, ça commence de même. Puis à un moment donné, t'es à. Que c'est? Ça pourquoi je, ouais, ça je pas répondre pourquoi pas je fais ça? Fait que là, mon post était là avec ma face puis tout. Puis là, le monde, il me donne de la merde publiquement, tu sais, comme j'étais crucifié, man. C'était insane. Puis je trouve ça fucking pas fair, tu sais. Puis il y a pas assez de monde qui. T'es report, tout le monde. Puis c'est encore le. Non, mais ça donne rien, c'est une perte de temps, là. C'est... Mais je veux que ces gens-là sachent la réalité des autres. Ouais, mais ils sachent rien. Ouais, mais ils s'en calissent, ce monde-là. Non, je sais que c'est ça le problème, Jean-François. Ben, je suis comme tout, moi aussi. À chaque fois que je vois des chiolages, genre, sur mes projets, je suis tout le temps comme. C'est parce que tu comprends pas. T'as une minute, là, j'essaie d'expliquer. Puis c'est quand même. Ça donne à rien, là, du tout, là. Non, je sais. On perd notre énergie là-dessus, puis toute notre fun, là. On peut pas. Ah, Blastman, si tu savais, les apparts à Montréal, ça soulève. Les passions. Ça soulève les passions, en effet. Et la boisson. Tout le monde sont. Tout le monde qui ne comprennent pas sont extrêmement indignés, là, tu sais. Fait que. Il voilà, perd son heure d'indigné. Fait que bref, on vit beaucoup de choses avec ça, l'entrepreneur et tout. Je suis vraiment fucking vidé, là. C'est beaucoup d'énergie pour vrai. Ce que tu fais en ce moment, plus entrepreneuriat, c'est de la job, là. Je suis très, très, très vidé de tout ça. Les vacances s'en viennent, Dom. Les miennes sont terminées, mais les tiennes s'en viennent, là. Ils s'en viennent, puis en fin de semaine, on a de quoi aussi, j'en ai parlé tantôt, fait que ça va être très cool. Mais bref, c'est ça, là. Je voulais pas trop en parler. Je t'ai dit avant le show, j'en parlerai pas. Finalement, j'en parle. C'est bien correct, là. On est chez Papa Cassette. Là, c'est ça. Mais bref, tu sais, ma réalité, il devrait avoir... plus de personnes comme moi qui parlent de leur réalité de propriétaire, tu sais, comme ça, il y aurait comme une vision plus globale, tu sais. Ça mettrait un peu de l'eau dans le vin de tout le monde, là, parce que c'est pas. Mais ça, c'est le problème général. On n'est pas juste des crosseurs. De l'Internet, là, je pense. Le monde a accès trop direct aux autres personnes. Direct, il n'y a pas de fil dans le milieu, tu sais. Puis t'es derrière un clavier. Ce monde-là ne dirait pas ça dans sa rue s'il te croisait, mettons, là. Fait. Ben non, puis tu sais, comme si ce monde-là, il me le disait devant la rue. Coup de pied dans la bouche, là. Ben non, je dirais, ah, ben attends un petit instant, ben viens, on va aller voir ensemble. Là, je montre, voici le compte en banque, voici les factures que j'ai payées, voici, tu sais, comment ça me coûte cet immeuble-là, voici le pas d'argent que je fais sur le dos du monde, voici le pas d'argent que je fais tout court parce que je ne fais pas d'argent. Ben, j'imagine que tu regardes le prix des logements dans ton coin, anyway, doit être à peu près plus haut que ça partout, là. C'est ben oui. Il y a ça aussi, là. Et voici, genre, la date à laquelle cet immeuble sera fini de payer, c'est-à-dire jamais. Voici une photo de ma pierre tombale et l'immeuble pas payé à côté. Parce que moi... Il y a d'argent qui continue pendant que t'es mort, là. Ah, et puis il y en a une qui disait, genre, les locataires, ils ont tous les risques. Quel fucking risque t'as aucun que risque t'as comme locataire, en tant que locataire dans la vie, t'en as zéro, là. Ben, à part le fait de te faire sacrer dehors par ton proprio. Mais comment? Tu peux pas mettre le monde dehors. À moins que tu rentres quelqu'un de ta famille, je pense. Tu peux faire. Je pense que c'est la seule raison, mais c'est tout, là. Mais tu peux pas, mais ils sont protégés, mur à mur. Je vois pas. On peut pas augmenter les loyers avec le... On peut rien faire. Ils sont protégés, là. Ah, c'est un mariage. Les loyers sont barrés, là. Ben oui, les loyers sont barrés. Tu peux pas augmenter... Je peux pas augmenter le loyer à ma guise, moi, là. Non, je ben, dis pas que je le ferais, mais je peux pas si je veux le faire. Okay, fait qu'il y a pas d'augmentation envers les locataires qui tuent, là. Ben, chaque augmentation, quand tu prévois augmenter les loyers, tu y vas avec ce que tu payes de plus comme propriétaire, puis tu rentres dans le truc de la régie, pis ça donne un montant, puis tu peux augmenter de ce montant-là. C'est juste ça. Mais c'est dérisoire, tu sais, comparé à la montée... du taux d'intérêt de la vraie vie. Ça suit pas la vraie vie. C'est ça le problème. Fait que c'est tough, là. Fait qu'en tout cas, je vais juste arrêter, là. Puis toi, Jean-François, t'as fait un beau voyage. Ouais, ben, il y a deux semaines, on était en plein milieu de ma semaine de vacances avec mon gars, qui s'est terminé le samedi soir de façon très abrupte avec un pylône qui est tombé à côté de chez nous, là. Oui. Calvaire! T'as manqué d'électricité. Pendant 24 heures. Il faisait chaud. Pas aussi chaud que mon voyage que je viens de faire, par contre. Là, mais... Pas aussi chaud que les gars qui chauffaient le char qui ont foncé dans le pylône. Je sais pas, j'ai vu plein de versions. Là. Au début, j'ai vu que c'est un camion genre d'autobus de pompiers qui allait chercher quelqu'un puis qu'il y a un CD de passage qui n'a pas été fait, rentré, dérapé dans le pylône. Après ça, j'ai vu que c'était du monde chaud. Je sais pas trop c'est quoi la vraie histoire, là. Mais il y a un autobus qui a défoncé un pylône. Ah, c'est malade. Pas un petit pylône, un gros pylône. Non, là. Les gros, là, de ceux qui apportent toute l'électricité à Montréal, là, tu sais. Moi, j'étais malade, là. Genre, j'avais couché mon gars, il me restait une journée avec lui de vacances, j'étais dans le gazebo avec mon iPad. Tout d'un coup, genre, pouf, plus rien, mais comme, plus rien, partout, là. Ah, ouais, dans le gazebo, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, ben, ok, je me couche, genre, ça va bien revenir, là, j'attends. 3h du matin, 4h du matin, je reste mon téléphone, j'ai aussi, jamais regardé, je vois le pylône couché à la terre. Et Chris. M'a tout plein de mon bacon dans le congélateur. Ah, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. J'avais chez ma mère. Les denrées périssables, c'est le pire d'un panneau d'électricité. Là, bon, j'ai chialé contre Hydro-Québec là-dessus. C'est comme, genre, séparer les pommes et les oranges. Là. C'est pas la faute d'Hydro là, si quelqu'un fonce dans un pylône. Là. En effet. Puis c'était comme à peu près impossible que ça arrive. Où est-ce que c'est arrivé? Il y avait une clôture, puis c'était en bas d'une voie de service. Là. Fait que c'était un genre. C'est débile, là. Ouais. Pas de clim à la nuit, elle doit être gros. Ouais, c'était long, la nuit, c'était pas si pire parce qu'il faisait encore frais dans le logement, dans l'appartement, dans ma maison, en fait, là. Mais pas ouais. Dans les appartements, parce qu'il n'y a pas de clim dans les appartements. De mais quand je suis revenu le lendemain, le soir, il faisait 30. Chez nous, ça a commencé à monter. Là, donc, c'est clair. Mais ouais, après ça, c'est une semaine de vacances, puis je me suis dit, faut que je parte de chez nous. J'étais curieux. Il fait 3 semaines que je suis là, je fais rien, je tourne en rond, faut que je voyage un peu. Puis là, j'en regardais après dans le sud, peut-être. Puis je suis moi, me tanner dans le sud. Moi, je suis un marcheur, j'aime ça me promener en voyage. Ben oui. Dans le sud, je m'étais assis 2 jours, m'en faire quand même. Il me reste 5 jours à rien faire. Exact. Puis là, en parlant que j'étais seul, là, pas d'enfant. J'étais seul, j'avais pas ma. Exact. Ben, c'était ma fin de semaine, pas d'enfant, en fait. Là. Fait que là, j'ai dit, hey, m'en aller à Vegas. Fuck tout. Je fais des dépenses. Je regarderai même pas rien, sans compter, m'en vais à Vegas tout seul pendant 4 jours. Fait que, tu sais, en fin de semaine, c'était la. Pourquoi Vegas avant? Ah, pour aller gambler, pour aller jouer, pour aller me promener là-dedans, aller voir la luxure. Non, je n'ai jamais allé. Ok, ok. Fait que tu voulais vivre ça. Je voulais vivre l'expérience de Vegas tout seul. J'avais le goût de le dépenser dans les machines à sous, là, parce que c'est ça, là. J'avais le goût de voir ça. Puis. Voir qu'est-ce que je pourrais en tirer, puis il y avait tellement d'attractions, puis d'affaires. C'est comme une ville condensée, là, Vegas. Fait, ouais, ouais. Fait que je me suis dit, il a enregistré la plus grande vague de chaleur de l'histoire de l'humanité à Vegas pendant cette semaine-là. Fait que pourquoi ne pas aller dans le désert jouer à des machines à sous? Ben oui. Il faisait 47. Puis c'est pas une exagération, il faisait 47 degrés. Hey. Quand je suis sorti de l'avion, là, ça a fait comme. Ouf, j'étais comme dans un faux crématoire, puis il était 11h30 le soir, là. Il faisait 44. Ah. Ah ouais. J'étais comme tabarnak, voyons donc. Je me suis habitué, mais il faisait chaud en crise pour vrai là-bas. Aye, là. Puis là-dedans, tu rentres, tu sors de tout. Le temps, là, fait que tu dors tout le temps des hosties de. Aye, j'avais des cernes genre de sueur, mais avec un peu de sel sur le côté parce que tellement sué, là, tout le temps, mes chandails étaient tout trempés, là. Puis j'ai marché 100 km. Ah ouais, hein. Puis c'est pas une exagération, ça non plus, là. Si tu regardes ma Fitbit, j'ai 35 000 pas pendant 3 jours à chaque jour. Je pensais pas que c'était possible, là. Chez nous, tu sais, je marche, je fais mon 10 000 pas, mettons, 35 000 pas, je suis OK, mais je vais me promener. Fait que j'ai marché Vegas, j'ai vu Vegas. T'as fait la strip au complet, La strip plusieurs fois, je suis allé dans le temps, je suis allé off de la strip, je suis allé à une place que quelqu'un m'a dit tu devrais t'en aller en taxi parce que tu pourrais te faire stabber ici. Ouais. J'ai tout vu ça, là. Je me suis promené, là, beaucoup, là. C'était bien plaisant. Gamblé un peu, gamblé beaucoup, me suis promené. J'ai visité bien des affaires. Mais tu gamblais quoi? Blackjack un peu, roulette un peu, machine à sous beaucoup. Ah ouais, la roulette, c'est ça. Mais tout sur le rouge. Non, je mets les numéros puis je regarde mon argent s'en aller d'une shot. Là. Ah, c'est malade ça. Mais j'ai eu des belles histoires de gambling quand même cool. Là, t'as-tu fait de l'argent? Je suis revenu avec plus que je suis parti. Ah, c'est parce malade. Que je sais ce que je. Ben, pas ce que je fais, mais je fais dans tu quoi. Connais la game, tabarnak. Je gamble un peu ici. Des fois, je joue quasiment avec mon frère, mon père. C'est dans l'univers que je connais qui m'intéresse. Fait que je sais un peu à quoi jouer. Là, puis quand s'en aller aussi, maintenant, c'est là que tu perds tout. Là. Oui. Mais je veux si j'étais au Caesars Palace, j'ai fait 150$ au Caesars Palace avec un 10$ gratuit qu'ils m'ont donné sa carte VIP. Boom! De même! Avec ça, t'achètes des Caesars Palace au Game Boy! Ouais, je suis allé au Caesars Palace, je suis allé au Bellagio, je suis allé. J'ai juste pas rentré dans la Trump Tower parce que c'était pas le temps d'aller à Trump Tower. Ils comptent les cartes. Ouais, je compte pas les cartes, non, au Blackjack. J'ai joué une machine de Blackjack, genre virtuelle. Là. Ouais. Un matin, je gamblais comme un dégénéré. Je suis comme, fuck that, on les marchés. 20$ au Blackjack. Je gagne 40. Alors, 40$ au Blackjack. Genre, gagne. Je... OK, je m'en vais avec mon 80. Fait que ça a été ma vie pendant 3 jours. C'était très, très hot. Là. Payé à Vegas en Game Boy. Salut, Carl le Duc. Es-tu Carl le Duc, le lutteur? Ah non, c'est Carl le Duc. Ah. Oui, il y a une photo de profil en noir et blanc. C'est pas là. Le fils de Paul le Duc? Le... Non, c'est pas lui. C'est pas Pierre. Ah non, c'est ça. Non, je connais pas ta référence. Paul Leduc, un vieux lutteur. Carl Leduc, son fils qui lutte, il est un débile mental. Là, mais ah, voilà. À la FLQ. Mais Carl Leduc, ici, n'est pas un débile mental. Il est même très gentil, il pose des bonnes questions. Et il est très d'agréable compagnie sur les médias sociaux. Fait que ouais, c'est ça. Fait que j'étais parti là avec rien à faire, en fait. Là. J'avais booké 2 shows de Cirque du Soleil et c'est tout. Ouais. Fait que j'étais allé marcher beaucoup. J'ai visité Fontaine-Comte. C'est tellement une ville weird où tout le monde boit puis fume partout, là. Ah ouais. Mais genre, des casinos, le monde avec des clubs à 8h le matin, en train de boire de la bière, j'étais comme, c'est malade ça, genre, quelle ville de party incroyable. Fait que j'ai fait ça, j'étais allé manger au restaurant de Gordon Ramsay à Hell's Kitchen. Ah ouais. C'était fou. Ah, il était sur le Discord, j'ai mis des photos là, débile. C'était bon? C'était fou. C'était-tu gastronomique là? J'ai pris genre, un petit poids dans l'assiette une sauce mauve. C'était des grosses portions là, genre j'ai mangé un foie gras puis un bœuf Wellington qui est sa spécialité là. Ah ouais. Mais c'était comme ça fondait dans la bouche là. Puis ça coûtait cher aussi là. Fait que mon gambling a payé mon voyage un peu aussi là. Est-ce que c'est hot? Mais non, c'était comme quasiment un rêve d'aller là, je rentre, je suis comme wow. J'étais assis au bar, tu sais, au restaurant de Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Je prends un old fashion, j'ai envie de me saouler et de manger des beef Wellington à 80$ US comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. C'est incroyable comment est-ce que tu vis plein de choses seul. Puis là, je dis pas ça pour te rabaisser. C'est moi, quand je suis seul, je suis dépourvu. Ben, moi, toi, quand t'es seul, tu fais, man, des affaires. Pas tant. Le pire, c'est que là, je me suis dit, il faut que je reprenne ma vie en main là, après quoi, 2 ans à plus de séparation. Fallait que je vive des affaires. T'sais, je voyageais beaucoup avant. J'allais dans l'Ouest, j'allais dans le Sud. C'est vrai, tu voyageais beaucoup avant. Des gros voyages de snow. Pis tout. De snow, j'avais ma belle-sœur avant habitait. Mon ex-belle-sœur habitait à Edmonton. Fait que j'avais la chance d'y aller. Souvent, j'allais en Floride, à Disney, mettons, des affaires comme ça. Fait que oui, je voyageais beaucoup. J'allais à Paris, mais là, il y a eu la pandémie. Ça s'est tout arrêté. Puis j'ai pas revoyagé depuis. Fait que je suis comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai failli aller à Disney tout seul. Mais là, j'étais comme, faut voir que je mente à mon fils. Là, puis je peux pas faire ça. Ben non, c'est vrai. Faut que tu l'amènes. La prochaine fois, je vais aller avec lui. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme. Mon frère, il dit, ah, va à Vegas, Chan. C'est pas fou. Je regarde ça, j'ai booké ça sur un coup de tête un soir. Je dis, alright, Vegas, 1000$, let's go, on y va. Excellent. C'était écœurant. Donc, j'ai tout visité, tout ça. Ouais, ben, j'ai pas vu la game de hockey. J'ai vu la sphère. Ouais, la fameuse sphère. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens, cette sphère. Dans le sens, c'est immense. C'est immense. La tech que là-dedans a l'air d'avoir pas de sens. Ouais, il y a plein d'itinérants aussi qui habitent là-bas aussi. C'est comme dans toutes les grosses îles américaines, là, autant le luxeur, la luxe que le. L'itinérance. Qu'est-ce que leur Valérie Plante fait pour ça? Elle met des pistes cyclables. Elle met des pistes cyclables avec ça. Mais non, la sphère, j'ai été la voir de l'extérieur, puis il y a un monorail qui fait le tour de la street, puis je l'ai vu souvent. Mais il y avait un show qui est un genre de show IMAX de 50 minutes qui coûtait 150$ US. On est, j'ai fait là, c'est assez. Là. Je n'irai pas voir ce show-là pour 150$ US, là, pour, même pas une heure. Fait que j'ai pas été dans la sphère. J'ai fait, je la vois de l'extérieur, c'est beau. On fait une autre chose une autre fois, là. Tout vu ça et c'est bizarre. Quelle ville weird parce que t'es tout le temps perdu. Ouais. Parce que dès que tu rentres dans un hôtel, tu sais plus comment sortir. Ouais, c'est ça. Tu rentres dans un casino tout à chaque fois, puis ils enlèvent toutes les indications de où t'es dans le casino. C'est vrai, ils font ça pour que tu te perdes puis que tu restes là pour toujours. Puis à chaque fois, il fallait que je passe dans un casino pour aller prendre le monorail, puis je rentre, je suis comme. Et où là? Ah, je tourne en rond pendant 15 minutes pour trouver la sortie pour aller au casino, pour sortir pour aller. En tout cas, c'était quand même drôle là. Mais tout ça pour dire que j'avais une autre activité qui était prévue sur mon horaire, et c'est d'aller au Pinball Hall of Fame. Oui, monsieur. Qui est à Mandalay Bay, sur au sud. J'ai marché, là, sur... Je sais pas j'étais où, là, parce que j'ai dit, ben... m'a sauvé 10$ de Uber, m'a marché, c'est comme un épais sur l'autoroute dans le désert. T'es pas épais de vouloir économiser, JF? Mais je marchais. T'avais mal calculé l'effort. Ouais, ben la chaleur surtout là. Ouais. Fait que je marchais, puis genre les grosses gouttes qui me coulaient, puis j'étais carrément sur l'autoroute. Il y avait pas de palmier, rien. C'était comme gros soleil. Genre, m'en rendre. Et je me suis rendu dedans, moi, au Pinball Hall of Fame. J'ai des petites photos pour toi. Tout ça pour vous, mesdames et messieurs à la maison. Fait que Jean-François a pris des photos, puis ça, c'est cool. Fait que je suis allé ici, donc le Pinball Hall of Fame. Regarde comment ça a l'air dans une place. Callissement random. C'est vrai que ça a l'air random, mais regardez-moi cette belle enseigne-là. Ben, c'est magnifique. Ce que tu vois qui est encore plus beau, c'est cette enseigne-là ici. Tu peux pas vraiment manquer que c'est ici les pinballs. Hey, c'est bien fait. Hein. C'est vrai que ça a l'air sec autour. Hein? Ah ouais, c'était sec. Mais ça, c'est comme off la strip, il n'y a pas rien. C'est le désert. Là. Fait que j'ai marché dans le désert à la plus grande canicule jamais enregistrée dans l'histoire du monde. Chris, t'aurais pu te faire passer comme dans Casino, le film. J'aurais tellement aimé ça. Coup de batte de baseball enterré vivant, ouais, ça aurait été popé. J'avais pas assez de cash chez moi pour me faire passer, malheureusement. Je l'ai gardé dans ma chambre d'hôtel, parce que sinon j'aurais tout gamblé à chaque fois que je marchais. Là, fait que c'est... Mais, ouais, ça, je sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années à Rétro Nouveau, j'avais parlé du musée mécanique à San Francisco. À San Francisco, oui. Ça ressemble un peu à ça. Fait que c'est un genre d'entrepôt qui contient des vieilles machines à pinball, des vieilles machines à boules, des vieilles arcades. Je vais t'en montrer beaucoup, là, des vieux jeux aussi de physique, tu sais, mécanique. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est gratuit rentrer là, Dom. Ça coûte rien, mais tu payes aux 25 cents pour jouer. C'est vraiment 25 cents. C'est 50, 75, des fois il y en a qui étaient 25, ça dépend. Là. Ah ouais, on voit un petit tape en avant que ça dit 50 cents. Ouais, mais c'est bien. Ils sont bien entretenus. Puis, je sais pas moi, sûrement... là, ces vieilles machines-là, là, ça, là, j'aime assez ça. Le bruit. Ces machines-là sont comme quasiment, tu sais. À plat, là, fait qu'ils sont super lentes. Là. Exact, ils sont tellement peu inclinés. Jean, à la maison, c'est ça qui se passe avec les machines modernes, c'est que le playfield est tellement incliné que la balle, elle va fucking vite. Mais dans ce temps-là, c'était comme les films, c'est plus slow. Ah, il remet l'autre d'avant, t'es-tu capable? Oui, c'est moi qui fais la bras, là. OK. Mousetrap, man, l'arcade de Mousetrap, c'est donc bien hot, ça. Mais moi, là, c'est... Il y a d'affaires que j'avais pas vu, jamais vu dans ma vie. Moi, là. J'adore ces vieilles machines-là, un peu champ gauche, que le monde se calisse d'eux, là, hot, là. Mais que ça existe, puis j'ai joué à l'Atari. Tu sais, je sais pas, remarques, là, aussi, dans la, mettons, la pinball qu'on voit en avant, en bas à gauche, il y a un petit carton, là. Ben, il y avait ça dans toutes les machines, ce carton-là, puis c'était écrit qui a construit la machine, qui l'a designée, puis en dessous, il y avait un descriptif de qu'est-ce qui se passait pendant cette époque-là, pourquoi cette machine-là existe, comment on joue. Ouais. J'étais fasciné, là, fait que j'ai dépensé 5$ de jeu, mais j'ai passé une heure à juste lire les trucs. Enfin, j'ai pas beaucoup joué, j'ai plus regardé. Là, là j'avais la belle Paperboy, j'en ai une meilleure tantôt, là, puis une Street Fighter. La Street Fighter de movie. Ouais, over 1000 games you can play, fait que c'est une meme là, qu'ils ont mis dedans. Ben oui, ils ont mis une meme. Donc, y a évidemment, le plein de pinball de thématique Vegas, parce que probablement que dans le temps à Vegas, il devait avoir des machines dans les casinos. Ben oui. Ouais, une tapper. Punch out comme chez Arcade MTL, une tapper comme pas chez Arcade MTL. Ouais. Une Frogger. Une Frogger. C'est pas si pire, Frogger, pareil. Mais c'est fun. C'est un cool jeu, mais j'ai tout le temps trouvé la machine quand même pas bien belle. Elle boit, ben c'est ça qu'elle est laide de face. Hein, ouais, puis le bois, c'est pas chaleureux, c'est tout gris asphalte, tu sais, puis tout. J'aurais mis des grenouilles. Waco, ça, il y a eu ça au McFly à un moment donné. Ah ouais, je savais pas c'était quoi du tout. Moi, quand j'y suis allé, ça fait plusieurs années, elle était là. Puis ça, cette machine-là, les gens qui écoutent en audio ne voyaient pas, mais elle est comme tordue. Elle est faite de même. Tout est pas droit. Tout est tout croche. C'est voulu. Eh ouais, c'est bien hot. Hein? Puis j'ai jamais joué. Il y a une belle 720 direct à côté avec le gros radio, là, ouais, arcade ouais. De skate. Bon, encore, c'est des machines mécaniques là, à droite, là, puis des pinballs. Là, ouais, des enfants, des boules qui tombent dans des trous, là. Encore bien du pinball vintage ici, là. J'en ai vu. Hey, tu regardes les playfields de ça, il n'y a rien, là. Rien, puis c'est super dur à jouer, parce que ça va tellement lentement, puis là, c'est dur à faire aller à boule. Puis dans les photos que je vous montre, là, il n'y a pas deux fois les mêmes arcades. Fait que, à date, ouais. Là, c'est tout le temps des photos différentes, là. Bon, je passe, parce qu'il y en a comme 60 des images. Il y en a vieilles comme ça. Vraiment là. Beaucoup, là. La mouche est de retour. Ça ici, c'est un peep show à 25 cents. Donc, tu voulais regarder les films cochons, tu peux aller regarder ça. Je l'ai pas fait parce que je l'avais fait à San Francisco et c'était très décevant. Là. Ah, c'est ça. Puis toi, t'aimes ça quand c'est très moi, j'aime ça quand cochon. On voit toutes sortes d'affaires. Là. On veut leur voir les affaires. Je suis allé voir les guidounes au Flamingo là, qui étaient au show de Vegas. Là, quand on écoutait la NHL, il y avait les filles à paillettes. Là, oui, oui. Dans l'hôtel de Gazo. Show... Non, mais ils étaient là, dans le Flamingo. Ils viennent de cet hôtel-là. Ah ouais, les filles à paillettes. Je suis revenu de Cirque du Soleil. Je vais aller voir les paillettes. Mais tu sais, on peut dire que c'est sexiste, ces affaires-là, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, parce que, ça fait comme partie du lore à cette heure. Ouais, mais c'est tellement kitsch, là, Vegas, c'est ça qui est fou. Exact, là, c'est ça. C'est comme... Ça fait partie de l'histoire de ça, puis tout est tellement immense là-bas. C'est ça qui est démesurant, c'est les hôtels sont huge, là. Là, t'es comme, c'est à côté, tel hôtel à tel hôtel. Mais non, c'est parce qu'ils sont gros, là. Fait que tu marches pendant une demi-heure quand tu penses que tu vas marcher deux minutes, là. Exact. Sans arrêt, là, d'où mes 100 000 pas, là. Celle-là, j'ai joué par contre, la Star Wars Racer, donc qui se contrôle avec les deux thrusters. Là. Aïe, aïe, c'était man. Dur. Là. C'est donc bien malade. Je savais même pas que ça existait. Fait par Sega, en plus. C'est comme dans le film, dans le premier. Là, ouais, ouais, les courses de potes. Les courses, là, mais ça t'allait pas avec les deux thrusters. C'est dur à contrôler. Là. Aïe, aïe, man. T'as un thruster à gauche, un thruster à droite, t'as un boost. Là, fait que ça a vraiment de l'air cool. J'ai pas gagné à ça, malheureusement, mais c'est bien du plaisir. Là. Bon, des jaws, donc il y en avait une couple de plus récentes aussi, là, comme ça. Là. Ben, ça n'en prend. Oh, la Foo Fighters elle est belle, plein de couleurs. Belle, là. Celle-là, t'as une Venom là, un peu plus loin, puis t'as une John Wick, je l'ai sur une autre photo. Là. John Wick, elle vient de on sortir. La voit ici, là, là, ouais. Ça, c'est une machine neuve. Là. Fait que j'imagine qu'ils ramassent du monde aussi avec une nouvelle machine pour les. Ben oui, parce ben que oui. Les vieilles, à mon avis, t'as fait le tour. Là. Galgator dans le chat qui dit d'après moi, il y a quelqu'un engagé à temps plein. Ah, je peux te dire qu'ils doivent être au moins trois. Il y avait un wizard là, qui réparait les machines pendant que j'étais là. Ben oui, c'est comme ça. Comme au House of Targ, ils appellent les wizards. Les pinball wizards. Bon, c'est encore une nouvelle. Guardian of the Galaxies, on a vu une Turtles, Austin Powers. Une sorte de belles affaires. Bon, ça, c'est très cool, là, des jeux physiques, là, qu'il faut que tu frappes une balle. Là, ben oui, là, on a une chez Retro MTL ici. Ah ouais? Mais le modèle plus récent. Ah! Fait que c'est des vrais games de baseball, là. Puis même, tu peux celle qu'on a ici, tu peux voler des buts, puis tout, là. C'est celle qu'il y a que vous avez pris du... c'est le North Star. J'ai joué beaucoup à celle-là au North Star. Exact. Un collègue de job, c'est le ben, fun. Ben, au North Star, nous, on a la plus récente que celle du North Star. Okay. Mais ils sont pratiquement pareils. C'est tellement le fun comme jeu, là. Ah non, c'est super le fun, ces affaires-là, là. On a encore des vieilles, là, Captain Fantastic, là, puis... Moi, j'avais jamais vu, là. Des grosses bottes, et puis là... Ça, c'est la première machine d'arcade, apparemment, qui est sortie dans exact. L'humanité. Computer là. Space, la première arcade de tous les temps. Elle ne fonctionnait pas, malheureusement. Hey, c'est fucké le design, hein, pareil. Golden Arrow, là, on est encore dans les photos, là. On est dans la moitié de mes photos, en ce moment. OK, on arrête ici deux secondes. Celle-là, j'ai joué, parce que c'est les Flintstones, donc... ceux qui sont en audio à la maison, c'était 50 sous pour jouer à ça. C'était une... Et les Flintstones, c'est un peu le thème du show ici. Là. Ben ouais, ça fait partie de notre enfance. Ça fait partie de notre lore. Mais il était très difficile à jouer parce que les flippers, regarde comment ils sont gros. Puis la boule, c'est une boule genre de roche. Fait que c'est une grosse, grosse boule. Fait que c'est, genre, c'est gros de même, à peu près. Là. Ah ouais. C'est comme une balle de golf plus gros même. Non, là, mais c'est surtout que les flippers sont inversés. Non. Ils sont à l'envers. Non, non. C'est comme des maillotches. Ah, c'est des maillotches! Des maillotches. Fait OK, c'est pour ça que je vois des triangles dans l'autre sens. Ouais, okay, ouais, ouais. C'est comme si c'est des maillotches qui crapent des roches. Là, oh, c'est... wow, c'est ça, des maillotches, des roches. Donc, ben, hot. Ben, ils les ont posés à l'envers, mais ils vont dans le bon... Quand tu pèses le bouton, ils tapent dans le bon sens. Ils vont monter en haut. Mais ils elles sont inversées pour simuler une maillotche. Ouais, exactement. C'est hot. Il le design à l'endroit pour faire des fixes une maillotche. T'as raison. Wow. Très le fun, très difficile. J'ai pas été très bon à celle-là, malheureusement. Ouais, j'avais jamais vu ça. Bah, Playboy, là, parce qu'il fallait. Playboy, là, parce qu'il faut Kiss, c'est Kiss, Creatures of the Blue Logo, Black Logo, vieux films, des vieilles Star Wars, des arcades de lutte, GoldenEye. Ici, bon, thématique encore. Black Kenegut. Black Kenegut était là. Encore une fois, une machine ici de baseball physique, là. Ouais. Encore des vieilles sluggers. Gilligan's Island. Tu verras pas ça souvent dans ta vie, une pinball non. de ça, là. Non, vraiment pas. Une de Super Mario Super World. Super Mario, man. J'ai joué à ça. Sur, ouais? Ellie en a amené une au WEG. Mais il avait amené sa pinball. Ouais, la virtuelle. Là, virtuelle. Que tu pouvais faire afficher n'importe quelle table. Puis j'ai joué à Mario. Puis on me disait que c'était une game pas bien bonne. Et puis finalement, je me suis rendu loin. Puis j'ai éprouvé du plaisir. Et fun fact, j'ai aussi le. L'image, là, le Duratran, là, l'image en haut. Là. Le Duratran? Ben, le Duratran, c'est comme une impression sur un médium plastique transparent. C'est pas la marquise, parce qu'il n'y a pas de marquise. Ben, ça serait la marquise. J'ai oublié le terme exact en pinball, mais j'ai ça chez nous, dans un tube, puis il faut juste que je la fasse monter sur quelque chose, puis rétroéclairer pour faire de la déco. Je pourrais même la mettre ici. Crime, c'est bien hot. Ça serait malade. On va reparler du décor d'abord, on va checker ça. C'est vrai, on va mettre ça dans le décor. Et on continue, il en reste une vingtaine. Là, OK, on va passer vite. Non, mais il y en a une couple d'intéressantes qui s'en viennent. Là. Bon, Champion, là, genre, t'es cool. Ça, là, c'est très hot. Une pinball versus qui joue un contre l'autre. Ouais. Chacun de son bord avec des flippers. Challenger, ça s'appelle. Challenger, j'ai pas joué parce que j'étais tout seul, là, mais... Mesdames à la maison. Non, j'avais du plaisir tout seul. J'ai éprouvé plein de fun. Là. Ouais, mais mesdames à la maison, pareil. J'étais allé me vider à la tête à Vegas, puis c'est ça que j'ai fait, puis j'étais comme, qui risque que je suis bien en ce moment? Tu fais ce que tu veux. Je faisais ce que je voulais, il faisait chaud, il y avait personne qui me disait qu'il faisait chaud, j'étais comme, ah, il fait chaud, fuck that, moi je marche pareil, je m'en sac, là. C'est vrai. J'arrêterai, prendre une douche ou trois dans la journée, là. Bon, la Paperboy, c'est un peu mieux, là, pour ceux qui ont jamais vu, là, Belle machine. Avec un petit volant. Bon, encore une fois, des pinballs. The Machine, ça, c'est The Bride of Pinbot. Donc, Pinbot, oui. c'est le 1, puis The Machine, c'est le 2. Puis l'artwork est fou raide. C'est magnifique. Bon, Nickelodeon Racing, ici. J'ai pas joué. Nicktoon Racing. Un autre Mario. OK, non, c'est celle-là. Ça, l'autre, c'était une weird. Mais ça, c'est la Mario. Il y a Réobin qui dit, voyager ça, les sous-évalués, t'as tellement raison. Là. Ah ouais, hein. Puis j'avais la chienne avant de partir. Là. Je disais à ma mère qui m'a amené à l'aéroport avec une heure de retard. Si ça va commencer mal, là, mais j'étais comme, j'ai la chienne. Là, qu'est-ce que je m'en fais là tout seul? Là? Ben oui, sérieux, t'as pris tes couilles dans tes mains, puis t'es allé. Puis ouais, puis je me suis présenté et j'ai livré la marchandise. Là. J'ai vécu Vegas comme il fallait vivre Vegas. Ben là. Oui, t'as tout fait. J'étais sous dans le temps à 3h30 du matin. J'avais 250$ dans les mains que j'ai gagné. J'étais comme, je reviens à Tesla, fuck tout. Je suis revenu à Tesla. C'est beau. C'était tellement hot. Bravo. J'ai eu plein de plaisir. Je suis revenu ressourcé et fatigué. Là. Une autre Flintstone qui était out of order. Là, ouais, de Flintstones de movie. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pas eu le premier Flintstone de movie. Parce qu'il y avait Rick Moranis. Puis, ouais, on l'aime bien. Mais c'est ça, juste parce que là. Bon, des classiques, le Tron, Police Trainer 2, des arcades. Il y avait Guitar Hero dans le fond, là. Donc pour toi Space le logo, Invaders Deluxe ouais. Que j'aime quand j'ai vu le logo je pour ceux qui se demandent c'est quoi le bonhomme là, le genre de Yeti là, du brand de Papa Cassette ben c'est ça c'est un des c'est les Invaders dans l'artwork de Space Invaders d'ailleurs sur l'application mobile de l'Auto-Québec il y a une machine à sous Space Invader dedans. Ah ouais hein? Avec le logo je suis comme ah ok. les Simpsons les évidemment Simpsons. On peut pas passer à côté cool machine ça. Monaco Grand Prix. Hey, moi, j'aime très, ça. C'est très simple. Ça me donne l'air. C'est juste un volant. Hey, ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça, les machines simples. C'est genre Road Fighter, mais avec un volant. Exactement. C'est à peu près ça, mais c'est tellement cool. Donne-moi ça, des machines. Ah, j'en veux deux chez nous. Turbo. Une par-dessus l'autre. Là. That's it. Le jeu, c'est pas compliqué. Il s'appelle Turbo. Puis t'as un char. Un autre Star Wars arcade, là, différent de celle de tantôt. Ça, c'est une Rick and Morty qu'il fallait tirer du gun. C'est quand même weird, mais elle marchait pas, là. Fait que j'ai pas pu jouer, là. Et voilà. Check ça, Dom. Wow, goalie, un jeu de hockey. Un jeu de hockey versus avec une puck physique qui était aussi brisée. On dirait des ouvre-boîtes, c'est-tu, c'est vrai, des manettes. Mais c'est ça, ça allait comme... Attends, t'as les bonhommes qui font juste comme bouger. Fait que c'est un peu l'équivalent de jouer au hockey sur table, genre. Ouais, ou, ouais. Mais avec juste un bonhomme, avec de, juste chaque un bonhomme de chaque barre. C'est comme un pong, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme un pong. Mais tu peux pas bouger ton bonhomme, tu fais juste le pivoter. Ouais, exact. Tu fais prendre le bâton, tu dois lancer la balle, là. Hey, c'est vraiment beau, là. C'est des affaires que tu verras jamais puis tu peux pas acheter. Ah non, non, c'est ça, là. Bon, et ça ici, là. Clairement, Galgator, ça doit valoir une Beach Head 2000, là. Ouais. Dans une grosse boule, un jeu d'hélicoptère. Ça, j'ai pris en photo parce que. J'ai acheté à mon gars une petite bidule dedans, là, qui était un petit genre de toutou. Là. Okay. Et c'était écrit dessus, ce qu'on voit en haut, The End of an Era. Et c'était écrit que la compagnie chinoise qui fabrique ces petits jouets dans des boules que tu prends dans des genres de grosses machines à gomme, ben, la compagnie a fermé, donc c'est discontinué. C'est les dernières mondialement qui existent, ceux-là. OK. Je n'ai une chez nous. Chris. Okay. J'ai fait comme que ça vaut bien 75 cents, ça, on va le prendre. Certainement, c'est un beau token de... Eh ouais. Ça, c'était un jeu que tu mettais de l'argent puis que ça. Un truc à ticket. Il y avait quelques arcades à ticket que tu. Ouais. De dextérité, entre guillemets. Là. J'ai eu 3 tickets random que je savais pas mener dans une machine que j'ai dans mes poches chez nous. Là. C'est un souvenir parce que tu peux pas faire grand chose. Ouais, avec exact. Enduro Racer, un jeu de moto. Il en reste 3. Donc Street Fighter pour Nick. Ah, man, on avait ça chez Arcade MTL au début puis avant sur Mario. C'est de la job, là, à te mais ça. C'était tellement une fun machine, là, la Street Fighter, avec le char qu'on pète au centre. Et ça, c'est une crise de bonne game. Ça me fait de la peine qu'on ait vendu ça, là, si tu savais. Là. Ça, c'est. Des fois, il pourrait avoir des questions du public de et regret. Ouais. Ça, c'est un nasty gros regret. Et ça, j'ai joué à ça et c'était écœurant. Opération! Donc, le jeu Opération, pour ceux qui ne voient pas encore une fois, qui sont en audio, le jeu d'opération quand t'es jeune, là, que t'as le bonhomme, qu'il faut que t'enlèves des un wrench dans son tibia, là, mettons. Ouais. Quand tu touches au métal, ça fait. Ça. Mais c'est la version comme arcade, donc plus grosse. Fait que c'est une crane dedans que tu peux contrôler qui va. Gauche-droite et en avant en arrière. Une faut pince. Que tu mets, une pince que tu mets en pince à toutou. Faut que tu ramasses les affaires à bonne place. Faut que en fait, c'est pas une pince, c'est juste un morceau de métal qui va toucher dans le fond. Là. OK. Je me suis rendu. J'ai fait la moitié peut-être. Hey, c'était man. Quand même tough. Là. C'est parce malade. Qu'il y a du temps, puis ça descend. Fait que c'était pas évident. Là. C'est malade. Et la dernière photo de safe que j'ai fait ça aussi et que j'ai pas réussi. Donc, c'est d'ouvrir un coffre-fort, carrément ça. Fait que t'as un. Je sais pas si tu vois à droite, t'as une affaire de aiguille de VU, là. Ouais. Fait que faut que tu tournes, faut que tu trouves la bonne fréquence où que le code est. Puis là, faut que tu tournes, faut que tu trouves les 3-4 bons chiffres. Ça fait tomber le petit coin qui est ici. Fait que t'as un coin commémoratif si tu réussis à l'avoir. Ah, wow. Je l'ai pas eu, j'avais plus d'argent, je suis parti, j'avais chaud, là. Colin. Fait que c'était partie des affaires qu'il y avait. Fait que c'était ça, le Pinball Hall of Fame. Si vous êtes dans le coin de Vegas, allez-y, prenez un taxi, s'il vous plaît, là. Je sais pas, là. Moi, j'ai pris genre monorail, tram, traversé en 4-5 hôtels, je marchais. J'ai tout vu les hôtels que j'avais pas vu au moins, là. Ouais. Mais c'était bien. Ah. Et on m'a demandé dans. Le monde dans Discord était comme. Jeff, mise pas l'argent de Patreon, 4 piastres que tu vas tout perdre. Juste vous dire que. Misez toute la petite caisse de la soirée du podcast. Les 4 piastres par mois de la soirée du podcast. Caline. As-tu flobé ça, GF? Non, ils sont encore intacts. Phew. Je veux dire que je suis revenu avec plus d'argent que je suis parti. Exact. Fait que la prochaine fois que tu y vas... J'ai vaincu Vegas. C'est ça que je dois dire. T'as ben... Oui. Ah, ouais, j'en ai perdu aussi. T'as owné Vegas, man. Ah, ouais, ouais. Et puis, prends tout l'argent des Patreons de Papa Cassette la prochaine fois, puis il va nous, nous augmenter ça de 30%. Mais j'ai choqué, parce que j'avais de l'argent, puis j'étais comme, je pourrais aller sur une machine à 5$ le spin, puis essayer d'avoir genre 2000, où je pourrais perdre 250 US. Je n'ai besoin pour mes travaux chez nous, me le garder, tu sais. T'as bien fait. Mais j'ai vécu genre des affaires incroyables de genre premier spin de première machine quand je suis arrivé le vendredi, j'ai pas eu un bonus, j'ai fait 50 piastres, j'étais comme je m'en moucher. J'ai juste la soirée va pas être meilleure que ça. J'ai été dans un bar de Paris sportif pendant la Coupe du monde pendant la finale, c'était débile ça, l'ambiance qu'il y avait ça là. Devait, pendant même. La fin là, quand ils ont scoré le but là, moi j'étais là puis je mangeais, j'étais comme c'est donc bien hot là, d'être sur la strip. De voir le monde gager puis crier comme des fous. Là. Pour vrai, ça, man, ça devait être fou. J'ai été à un show du Cirque du Soleil où est-ce que j'étais assis A1 en avant dans le milieu et j'ai fait partie du show. Fait que j'étais très content. Ils t'ont pris, ils m'ont là, pris, puis fait ça. Ils m'ont pas mis sur le stage, mais il y a un gars qui arrêtait pas de venir dans la foule puis comme il se collait à la tête sur moi tout le temps puis il me gossait. Quand même... C'est ça que je voulais quand j'ai booké. Peut-être qu'ils vont me prendre vu que je suis seul, ça va être drôle. Ah, que, ouais. J'ai vécu des belles choses. Là. Et j'ai aussi été sous à 3h30 du matin au bar avec des drinks gratuits pendant que je joue au vidéo poker sur la machine. J'étais heureux. je vais au poker tout seul, je regarde qu'est-ce que je mange. Ramène ça au Québec, c'est Colin, il y en a ici des machines de vidéo. Ouais, ils payent pas autant qu'à Vegas, je pense. Ah, c'est ça, ils payent pas ici, ça paye pas au Québec. T'es allé Balls Deep, GF, chapeau, je sais pas si j'aurais le courage de partir à Vegas tout seul. C'est probablement la plus belle place à aller tout seul, il y a tellement d'affaires à faire. Là, c'est... Ouais. Peu importe à quel état t'es dans ton alcoolémie, mais t'as tout l'air moins fou que quelqu'un à côté de toi. Là. Ah, totalement. C'est débile. Là, c'est pas avec des vacances à East Broughton que tu vis des affaires. Tu vis ça. Là. J'étais à Treasure Island dans l'hôtel. C'était très bien. Des enfants qui se promènent des casinos, t'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Quelle ville de déjeuner? Quel pays brisé, les États-Unis, pour vrai? Là? Ah ouais, c'est j'ai clair. Fait aller tirer du gun, mais c'est trop cher. Là. Mais je voulais aller ouais, tirer ça, du ça, tu peux le faire ici. Moi, je l'ai fait. Ah, pour vrai? Ben oui. Au Québec, je savais pas. Ben, totalement. Dans le champ à Tedford? Ben, à Tedford, je sais pas, mais ici à Montréal, tu peux aller dans un champ de tir intérieur, là, pis... Je savais pas qu'il y avait ça, ah ouais. Moi, j'ai fait, là, j'ai tiré du Beretta, j'ai tiré wow. du 12, j'ai tiré un autre petit gros gun. Pis c'est pas comme à TV, mesdames et messieurs, ça a du recul en tabarnage, oh, ces affaires-là, là! Tu pognes le coup, là. Ah ouais, non, c'est un autre game, là, tu n'y arrives pas avec ça, les guns. Ben, bravo! Ben, merci, j'ai bien du plaisir, et là, je suis bien fatigué. Ça, je comprends ça. Beau voyage! C'était très cool. Des belles photos pour vous autres, les fans. Exact. GF, reporter sur le terrain. Ah, si je peux, je vais continuer là. Ben, ouais. J'ai pogné un petit peu le goût de voyager tout seul, d'aller visiter des villes, justement. Ben, moi, j'aime ça, aller dans une ville, puis faire comme, OK, il y a plein d'affaires, je prends mes souliers, je m'en vais marcher, puis je me promène, puis je regarde ce qu'il y a à regarder. Là, c'est... Me reposer en vacances, j'haïs ça. Ouais. Être assis. À moins d'être avec d'autres mondes, de faire le party sur la plage, mettons, OK, tout seul pendant une semaine dans un resort, m'emmerderais. Ben non, ben non. Même à deux dans un resort. Ça là, peut être long, longtemps. Là, tu fais le tour, là, c'est pas long. Là. Merci, Blasman. Yes. Fait qu'on va enchaîner avec les ajouts à la collection, oui. Mesdames et messieurs. Excuse-moi de te surprendre, JF. Ben non. On est rendu là. Petite gorgée de bière, j'achète. Ben oui, pendant que moi, je change mes pétons. D'ailleurs, j'ai réparé le board. Tout est réparé. Ça hein. fonctionne, on peut se mettre sur mute maintenant. Donc voilà. Fantastique. On revient sur la belle table ici. J'ai deux éléments cette semaine. Ouais. La belle table propre. que je viens de kicker la caméra et que les gens du ménage font jamais le ménage ici. Alors, des fois, il y a des granules. Tu sais qu'il y aura une mouche morte tantôt aussi. On qu'on la tape drette là et qu'elle reste là tout le long. Là. Comme une foirasse de mouche. Alors, j'ai deux éléments cette semaine. C'est pas grand-chose. Je vous présente ici le jeu GP1 Part 2. Tout. C'est-tu Part 2? C'est GP1 2. C'est pas GP, là, Jean-François. C'est G avec un G. Là. C'est un jeu de moto. De Atlus, quand même. Ce qui est assez surprenant. C'est un jeu qui vaut une vingtaine de dollars. Et puis, c'est ça. J'avais le 1. Et puis, là, le 2 ici, que je tiens dans mes mains, je l'ai pris au Game Over en allant faire le show. Et puis, mais ça fait longtemps qu'ils l'ont. Et puis, je me suis tout le temps retenu de le prendre parce que je me disais, il me reste 30 jeux à mon set, c'est clair que je vais tomber dessus, puis propre, puis tout ça. Puis là, il me manque très peu de jeux à mon set, puis je suis pas encore tombé dessus. Fait que là, je suis rendu sur le verge où est-ce que je me dis, je suis prêt à tolérer des dommages tels que celui qu'on voit à l'écran présentement. C'est pas si pire. Les boules arrière déchirées. Et là, on le verra peut-être mal à cause de l'éclairage, mais il y a un jaunissement. Le dessus est plus jaune que le dessus. On le voit un peu, là. Puis ça me dérange quand même beaucoup. Mais bon, là, je me suis dit, hey, je suis là. Et en plus, ils me doivent 10$, ces gars-là, parce que j'ai dans leur live qu'ils font le mardi, ils font des fois... Ah oui, t'en as parlé au fois, là-dessus. Ils font deviner des tunes, et j'avais deviné une tune de Yoshi's Island grâce à Rétro Nouveau, parce qu'on l'entendait tout le temps, fait que j'ai deviné ça tout de suite. Puis là, j'ai gagné 10$. Fait que là, j'ai dit au gars, hey, moi, vous prendre ça, vous me devez 10$. Mais on en gagne l'argent depuis moi, là, c'est fou. C'est clair. Puis là, ils ont été super cool, ils me l'ont donné, esti. Alors, ils ont consommé. Ils ont dit, check, ça vaut 10$, on prend ton 10$. Allez au Game Over, des très bons gens. C'est des bonnes gens, ils m'ont aidé avec mon set. Alors, un jeu de plus, j'ai jamais joué. Mais man, Atlus, tu sais, c'est connu pour les RPG, ces affaires-là. Puis là, c'est un jeu de moto. Alors, j'ai aucune idée. Tu sais, un jour, il va falloir que je prenne le temps de jouer à ces affaires-là, que je me pose des questions. Fait que Jeep, série... On devrait streamer tout ça, maintenant, là, ces affaires-là. Faudrait. Faire des soirées comme, OK, on essaie des jeux, on sait pas c'est quoi, là. Absolument, on va faire ça. Moi, ça me plairait beaucoup. Ben oui. Fait que GP1, Part 1 et Part 2... Si on fait un Part 2, c'est parce que le 1 a été un succès. Probablement. T'sais. Mais pourtant, ça vaut oui, pas cher. Oui, il reste de l'argent dans la petite caisse, puis on dit « on en fait un autre ». La petite caisse d'Atlus. Fait que voilà, on remercie beaucoup les gens du Game Over. Michel Panic qui dit « bonne idée de faire des streams de jeux ». Et là, j'ai une autre affaire, JF, pour laquelle je ne t'ai pas donné de prix à mettre à l'écran. Je l'ai vu tantôt, ton affaire, je l'ai mis de côté, d'ailleurs. Parce que j'ai pas réussi à mettre un prix là-dessus. Ah, ça n'a pas de prix, c'est une valeur sentimentale. Ça n'a pas de prix, des affaires de même, mesdames et messieurs. Ah, c'est le cover du... De l'ordi, c'est quoi? C'est un recouvre-console, okay, ou recouvre-micro-ordinateur de Atari. Wow! Là, on voit ici les côtés qui sont déployables. Donc, tu mets ça sur ta console et ça la protège de la poussière. C'est un dust... voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Un dust de quoi? Ah, fuck, man. Dust, c'est la poussière. C'est la démence, la fatigue, les entrepreneurs qui crient, puis la bière. Mais en tout cas, c'est un dust cover. Voilà, c'est un dust cover, merci Blastman, pour console Atari. Puis là, j'ai essayé de faire des recherches pour voir combien ça vaut. Et sur eBay, j'en ai vu que c'est écrit au lieu de Video Game System. Puis là, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça, Atari VCS, tu sais, VCS, la nouvelle, ouais, c'est pour ça. Video Computer System. Ah. Atari VCS. Alors, cela me porte à croire que, vu que c'est écrit ça dessus, que c'était pour la première Atari. Parce que l'Atari 2600, qu'on connaît tous, avec du bois en avant, il y en a quelques modèles, et la première modèle ne s'appelait pas la 2600, elle s'appelait la VCS. Et puis, la dernier modèle d'Atari qu'ils ont fait, pas la 2600+, l'autre d'avant, la VCS, c'est en hommage à la première Atari. Tu sais, vous savez de quoi je parle, c'est la console Atari avec un look absolument magnifique que moi et Bruno on était bandé dessus, et puis qu'elle sert à rien vraiment, cette console-là. Mais elle est donc bien belle. Fait que voilà. Parce que moi, pour revenir à ça, j'ai vu des dust covers que c'est écrit genre Atari 400. Ici, ouais, ouais, ou que c'est écrit d'autres sortes d'Atari. Alors, si celle-là, c'est écrit VCS, Video Computer System, ça veut dire que, d'après moi, elle sert à recouvrir une wood grain, là, comme on voit là. Alors, je ne suis... Comme ici, peut-être, là? Genre, là? Ouais, genre... C'est pas la même, là? C'est mais... pas la même, mais celle-là, précisément, man, je la trouve pas. Puis, tu sais, ils en ont refait avec le temps, puis sûrement qu'il en existe à cette heure sur Etsy, les affaires d'amour. Ouais, ben, c'était sur Etsy, je pense que j'ai vu les... Ouais, c'est ça, fait que c'est pas pareil. Mais celle-là, tu sais, c'est vieux, là. Ça, c'est oui, genre c'est... 1980, là. C'est fait pas, que, c'est pas avant. Mais elle est pas craquée. Tu sais, des fois, ah ouais, ça, le, ce genre de plastique, ça là, devient ça craque, sec, là. Ça craque. Comme ça nos écouteurs qu'on avait avant, là, qui ont tout craqué, là, c'était ça. Là. Exact. Fait que moi, la seule console Atari qui est déballée chez nous et qui me sert, c'est ma 7800. Puis je pense qu'elle va fitter dessus. Ah, c'est malade. Fait que je vais recouvrir ma console avec ça. Incroyable. Puis là, à chaque fois que je vais descendre dans ma game room, je vais voir ça, je vais avoir des petits papillons. Tu vas l'arrêter, tu vas faire « Ah! » Ah! Tout est bien régéré ici. Tu vas pouvoir dénuder ta Atari pour jouer avec. Ah ouais, man, je vais l'enlever. Je vais déshabiller ma console avant de jouer. Ça va être fou raide. Alors voilà, ça va être beau chez nous. C'est pas un setup de stream avec un setup sur tes consoles où est-ce que tu dénudes tes consoles avec des gants blancs, comme genre, tranquillement, là. Clairement. Fait que, wow. Ben écoute, c'est tout pour la collection aujourd'hui, mon GF. C'est tout. C'est parfait, tout. Ça. C'est parfait. On n'est pas obligé de dépenser tout le temps. Ouais, non. Surtout que j'ai pas une crise de c'est sang. Moi qui ai dépensé l'année oui cette semaine. Ben, ouais, c'est correct. C'est toi, est-ce que tout coûte cher à Vegas? Ben, tout coûte cher au Québec. Ben, c'est, pas... quand je suis revenu, j'ai regardé mes achats en transformant en canadien dans ma carte de crédit. J'ai fait le saut une couple d'affaires. Là. Ce midi même, j'étais allé à Caisse Pop pour me sortir... 100$ US, ça m'a coûté 140$. C'est-tu malade, ça? C'est-tu que ça n'a pas d'allure? J'avais 1000$ dans mes poches quand je suis parti. Ah ouais, c'est ça. J'ai déposé plus que 1000$ quand je suis revenu. mais c'est ça, c'est le taux de change qui nous rentre dedans. Là. Ouais, ça, c'est puis quasiment... Vegas, ça strip, c'est 3 fois le prix partout, là, ah, ce que ça coûte ailleurs. Là, fait que c'est... Il en profite. Genre, t'achètes un jus d'orange, shot gros au resto, ça coûte 6,95 US. T'es comme, voyons, c'est-tu, là? Tu le payes parce que tu te poses pas de questions parce que t'es là. Ben non, t'es là pour ça, là, rendu là. Ben moi, j'ai fait comme vous, là, faut que je me calme. Là. Quand j'allais manger au restaurant de Gordon Ramsay, le midi, j'avais mangé une sandwich à dépanneur parce que j'étais comme, ça va coûter c'est cher soir, ce hein? soir. C'est clair. Et que t'es raisonnable. Ah, pas tant que ça. Ben non, mais oui, c'est très raisonnable, tout ça. Oh, ouais, c'est raisonnable dans le déraisonnable, mais c'est un déraisonnable, tu sais, que tu ça te devais la de faire. Oh, ouais, ça valait la peine. Là. Exact. Oh, Zombie Milter qui apparaît très tard. Rate of One. Habituellement, il est là en début de show. Tout manquer la portion Vegas. Exact. Fait que là, vu que je parle beaucoup, ou veux-tu que je fasse ma critique en premier? Tu peux y aller, je viens de faire le... Tu viens de faire un gros Vegas. OK, fait que on est rendu en critique, mesdames et messieurs. On a-tu un panneau de critique? On a-tu un panneau de critique? Non, c'est pour les questions. Alors, ben parfait. Écoute, on va mettre le panneau du jeu. Je vais parler aujourd'hui de Gravity Circuit. J'ai fait un... C'est une erreur. Oh non. Excuse. Bon, Zombie, il y avait de la visite chez eux. Bon, on peut te le pardonner. Alors, Gravity Circuit, développé par Domesticated Ant Game. Donc, fourmis domestiquées. Les jeux des fourmis domestiquées. Publié par Plugin Digital. Disponible sur PS5, PS4, Switch, PC. Pas sur Xbox. Mais ouais, c'est bizarre. Selon Internet. OK. Ce qui est très bizarre. Alors, mais Plugin Digital, fait quelque chose que tu plugues physique avec du digital, c'est plein de double sens, ça, là. Ah, ils sont coquins, les gens là-bas, là. Alors ça, mesdames et messieurs, Bruno en avait parlé à Rétro Nouveau et en avait fait une critique très flamboyante. Élogieuse. Ah, quel beau mot. Merci. Bravo. C'est le mot, c'était le bon mot que je cherchais. Une critique très élogieuse. Mais des fois, Bruno, comme je le dis des fois, et je ne sais pas s'il nous écoute, des fois, Bruno, je suis pas d'accord. Mais ça, j'avais l'impression que j'allais être d'accord. Alors, ça look ton style. Ah ben, ça, c'est Megaman. C'est un Megaman X, ça, mesdames et messieurs. On va le dire drette là. Alors, c'est ça. Puis, Bruno, on a fait la critique. Et puis, là, dans ce temps-là, c'était digital seulement. Puis, je me retenais parce que je me disais, c'est le genre de jeu, ça, qui va avoir un physique. Là. J'en suis pas mal certain. Ouais, c'est trop cool, tu sais. C'est trop intéressant. Et ça a eu un physique. Et on en a eu chez Retro MTL. Et je trouve que vous les avez pas achetés assez rapidement, les gens. Vous avez attendu que j'en parle pour les acheter, pour finir des acheter. Puis on n'avait pas beaucoup, là. C'est parce que ça te prend moi, je pensais en vendre 50 de ça, là, c'est fucking bon. Ça prend un code promo Tedford là, pendant le show. On l'avait dit, on voit. Ouais, j'avais oublié pour ça. Pendant 2 heures, t'as des jeux à rabais, là. Ouais, mais en même temps, on peut tellement peu pas faire de rabais ces jeux neufs. Ouais, j'avoue, là, il n'y a pas beaucoup de marge. Non, c'est ça. Puis il faudrait activer le code précisément pendant le show. Ah, oh, ça se fait d'avance, là. Ah, ouais. Je connais ça. Mais, OK. Mais bref. On s'en reparle. On s'en reparle. J'attendais la copie physique qui est une cinquantaine de dollars, en fait. 55, je pense. D'ailleurs, au dernier épisode de Papa Cassette, je Mike Leclerc qui dit qu'il l'a eu en rabais sur Steam. Fait que moi. C'est juste ça, c'est un achat. J'ai eu ça en même temps que Dave the Diver. J'ai commencé Dave the Diver et là, je me suis dit, OK, c'est excellent. Je m'enligne sur de quoi de très long. Genre, je vais diver beaucoup. Puis là, j'avais Gravity Circuit qui était là, qui me criait, qui voulait de l'action. Alors, j'ai décidé de mettre Dave de côté et faire Gravity Circuit. Et puis, c'est comme Mega Man X, mais t'as pas un buster qui tire des balles. Tu fights avec tes poings. OK. Donc, c'est des combinaisons automatiques, je dirais, d'attaques, des attaques de mêlée. Donc, ça, c'est la première grosse différence avec Megaman. Tu button mash, là, pour tu. Ou tu button mash, mais tu aussi, tu peux peser par en haut pour faire des genres d'uppercut. Okay. Et tu peses down avec attaque pour faire des dive attack. Et puis, t'as pas de dash là-dedans, t'as la course. Donc, j'aime beaucoup ça parce que tu le maintiens puis tu cours tout le long que tu le maintiens. T'as-tu une jauge de course? Ou non, c'est tout le temps. T'as pas besoin de pitonner le dash, tu fais juste courir. Alors ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et puis, t'as un bouton d'attaque spéciale. Et puis, les attaques spéciales, tu les feras en pesant dans une direction ou un autre plus ARZ, le genre. Fait que, mais ça, faut que tu les équipes. Alors, là-dedans, t'as des Robot Master, comme dans Mega Man, que tu fais les niveaux. Ils ont tous des thèmes, comme dans Mega Man. Et puis, mais quand tu bats le Robot Master, tu gagnes pas son power. Okay. Par contre, dans le niveau, tu ramasses de l'argent. Et puis, avec cet argent-là, tu t'achètes des chips. Pas des Doritos de Monseigneur Neveu. Pas des chips de la Verlochère, mais bien des chips électroniques. Comme il en manquait beaucoup des puces électroniques, comme il en manquait beaucoup dans le temps de la COVID. Et puis, tu peux équiper 3 chips qui ont des effets. Et puis, tu peux équiper 5 chips, 4 qui ont des attaques spéciales. Donc, moi, j'aimais bien en haut et ZR pour un uppercut. Quand tu touches à rien, tu fais juste ZR, ça te fait un blast. Ou un dive kick avec en bas et ZR. Tu sais, à force de faire les niveaux, tu ramasses du cash, du cash, du cash. Puis là, t'en achètes. Et puis, avec ça, ben, tu boostes tes affaires. Et puis, les autres affaires qui ont des effets, c'est des effets très variés. Rajoute un double jump. Rajoute que tu planes quand tu jumps, tu sais, au lieu de dropper raide. Tu rajoutes un air dash. T'es beaucoup plus résistant aux dommages de mêlée. T'es beaucoup plus résistant aux dommages des hazards. Ouais, C'est des affaires de même. Fait que avec tes 2 slots d'équipage de chips, tu te bâtis un système que tu finis par être à l'aise puis aimer. Puis moi, à la fin, j'utilisais le double jump et le... À la fin, j'avais un double jump puis j'avais un slow drop, là. Quand tu sautes, tu gardes ton doigt sur le bouton. Ouais, un glide, c'est ça. Un double jump, un glide, et puis quand je jump, je faisais un spinning attack. Fait que, man, je faisais les niveaux, man, à course en glidant puis en double jumpant. J'étais fucking invincible. C'est hot, les jeux qui permettent de varier ton loadout puis de trouver le style que t'aimes. Là, c'est vraiment le fun. Là. Absolument. Et j'ai oublié une autre affaire aussi. T'as des paint jobs. OK. T'as de la peinture. T'as une genre d'artiste au headquarters, robot, qui, avec des jobs de peinture, ça te donne un effet de plus. Avec ça, ben c'est ça. Moi, ça... Le spinning attack, c'en était une peinture. Sinon, quand tu punches, tu t'envoies des projectiles, tu sais. Fait que bref, il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais c'est pas lourd. Tu peux changer in-game, tes combinaisons? Oui, mais tu peux les changer. Pas la peinture, j'imagine. Sauf la peinture. OK. Parce qu'en effet, il faut que tu reviennes au headquarters. Ouais, ouais. Mais sinon, tu changes ça cool, in-game. Concept, n'importe quand. Fait que ça, c'est super cool. T'es-tu obligé de les changer? Est-ce qu'ils te forcent à des sections d'avoir des power-ups spéciaux? Non, OK. Parce que après ça, t'as des challenges, puis t'as des challenges de genre finir le jeu sans équiper de chip, okay. Fait que si tu veux faire, tu peux finir le jeu en ne faisant rien. Mais ça va être beaucoup plus difficile, bien sûr. Mais non, il n'y a pas de forçage puis de gossage de même. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu ramasses, puis tu fais les niveaux dans l'ordre que tu veux, puis t'achètes ce que tu veux avec ton cash. Dans chaque niveau, il y a à peu près 8 robots là, piégés là, qu'il faut que tu trouves, et puis un power-up. Donc, tu as un total de 4 power-up de life et 4 power-up de jauge de pouvoir d'attaque spéciale que tu utilises. Donc, ça, c'est très cool. Et puis, c'est ça. Tu sais, au niveau de l'histoire, bon, on s'en fout un peu. Yeah, t'es un robot. Puis là, tes autres amis robots se sont fait posséder. Faut que tu les combattes. C'est eux autres les Robot Master. Puis il y a un méchant. Puis bon, on s'en fout un peu de l'histoire. Ouais, ouais. Au headquarters, il y a du monde un peu. C'est funny. Tu leur parles. Ils te donnent d'autres affaires. Fait que bon, c'est pas vraiment important ça. On s'en fout. Au look, pour ceux qui sont en audio, c'est je dirais que c'est genre 16 bits là, pixel ouais, 16 bits, 16 bits-ish, 16 bits boosté ish propre avec de la musique vraiment le fun. Les niveaux sont très variés aussi. Bien sûr, il y a les classiques là, la montagne de neige, la fournaise, pis tout ça. Mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé. C'est comme un monde de musique avec des speakers partout dans la ville. Puis le boss, c'est comme une vedette là, de musique là, qui chante. Ah, nice. Puis là, elle drop, ça lève des genre d'equalizer partout. C'était vraiment un magnifique thème. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, de la variété. Puis bon, bien sûr, quand t'es, on le voit à l'écran ici, quand t'es pète tout, ben là, tu peux aller faire Dr. Willy. C'est pas Willy, mais le end boss. Et puis, le end boss, il y a quelques niveaux à faire. T'as pas comme un château à passer au travers comme dans Mega Man. Tu fais le premier niveau. Un coup qui est fait, tu ne peux plus y revenir, il me semble, parce qu'anyway, t'as rien à ramasser dedans. Et puis, c'est ça. Puis à la fin, bien sûr, faut que tu rebattes tous les Robot Masters avant de battre le boss de fin. Fait que tout ça est respecté, tout ça est très drôle de voir à quel point c'est Mega Man, tu sais. Mais ce jeu-là a sa propre twist, mais a toute la satisfaction d'un Mega Man X, là, tu sais. Fait que c'est un hommage, c'est une copie, dans le fond, là. C'est... Ah ouais, c'est un grand hommage, tu sais, mais il y a sa vibe, tu sais, puis les scénarios, les dialogues sont quand même funny, là, tu sais, même si on s'en fout un peu. Ils sont pas trop lourds, là, ils y accompagnent. Okay. L'histoire est quand même intéressante, je disais qu'on s'en crisse, mais. Au final, elle est quand même, on le voit là, le robot speaker. Ouais, c'est très c'est la chanteuse. C'est Mega Man, genre. Ah ouais, tout ça est Mega Man. Comment est-ce qu'ils se présentent, les bonhommes? C'est ça, là. Puis, mais l'histoire, tu sais, est quand même un petit peu poussée, là, si je peux dire. Okay. Donc, j'ai apprécié ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense pas oublier grand-chose. C'est un jeu très simple, tu sais. C'est Mega Man. On les voit, les speakers. Tu rentres là-dedans, c'est super cool. Personnellement, un coup que j'étais bien équipé, tu sais, au début je trouvais ça dur. Ben au début je trouvais ça facile. Puis là je pense que j'ai pogné un niveau qui était comme fucking plus dur que les autres. Là je comme là je rushais. Mais après ça, tu sais, comme je prenais mon argent, je m'achetais des affaires. Puis un coup que j'étais équipé de convenable façon, tu sais, j'ai tout tué les Robot Masters. Je peux aller voir le boss tout de suite parce qu'il manquait plein d'affaires. Fait que faites ça, refaites les niveaux, ayez pas peur. C'est facile de trouver tout ce qui est caché parce que c'est des cracks dans les murs. C'est tout le temps des cracks dans les murs où des fois, tu peux prendre un guess de sauter dans un trou, mais il y en a très peu. C'est tout le temps des cracks dans les murs. On trouve ça très facilement. Et puis, t'as un power-up, comme je disais, de cacher dans tous les niveaux, c'est sûr et certain, plus tous les bonhommes, puis ils te disent quand t'es à toutes. Ah, fait cool. Que c'est très encourageant d'y retourner pour vrai. Et en plus, vu que t'as des nouveaux power, des nouveaux ci, des nouveaux ça, t'es fait, man, fly, là. T'sais, t'es crissement plus fort quand tu y retournes. Fait que j'ai tiré une grande satisfaction de ça. Fait que voilà. C'est très beau le background de ça. T'as les speakers en arrière, t'as des keyboards, t'as des affaires de musique sur le côté, là, c'est cool. Là. Ah, totalement. Regardez le gameplay présentement. Là, si ça vient pas toucher votre fibre de Mega Man, là, sérieux, c'est vraiment cool. Fait que le seul bémol que j'aurais à donner à ce jeu-là, c'est que je l'ai trouvé un peu court. Au final, un coup que j'étais bien équipé, tu sais. Ma combinaison, pour vrai, j'étais un institueur. Là. Et comme le boss de fin, ça a été une formalité, tu sais, de faire ça. Fait que c'était rendu, tu sais, facile. Est-ce que je peux dire que le jeu, c'est poche parce que c'est trop facile? Il y a un New Game Plus si tu finis le jeu. Okay. Fait que là, je me dis, ben, tu fais ça, puis il y a beaucoup plus dur. Puis tu as des challenges à faire. Fait que si tu veux faire tous les challenges, il y a des challenges qui exigent que tu utilises pas des choses pour rendre ça beaucoup plus dur. Okay. Fait que vous aurez votre défi là si vous trouvez ça trop facile. Mais moi, j'ai pas trouvé ça trop facile. J'ai trouvé ça parfaitement balancé, mais cool, un peu court. Alors, pour toutes ces raisons, Jean-François, oui, on est rendu là. Je vais donner un 4 pommes et demi sur 5 à cet excellent Gravity Circuit, mesdames et messieurs. Ça fait du bien de voir des pommes. Hein. Un petit bout, ça me donne faim. Moi, j'ai pas soupé. Ben, c'est clair. Mais je vais me prendre un autre bière. Ça va me nourrir. Le houblon dans le fond de l'estomac. Exact. Là, je salive, je crache partout depuis tantôt en parlant, je suis désolé. Le monde, on n'est pas en assez bonne définition pour voir les crachats, je pense. Là. On arrête le 4K pour les crachats. 4K crachats. 4K crachats. Mais voilà, et puis là, j'en ai parlé sur ma page Facebook, tout ça, puis j'ai dit que je capotais là-dessus, puis là, il y a des gens qui l'ont acheté immédiatement, alors merci de soutenir mes entreprises. Tu l'as-tu mis sur finir des cassettes? Oui, je l'ai mis sur finir des cassettes par après, mais sur le coup, puis c'était genre samedi soir, j'ai fait deux ventes, il y a des gens qui l'ont tout de suite, fait que je trouve ça cool, puis ça les a mis out of stock. Il y a quelqu'un qui a demandé, je m'excuse, j'ai oublié de retourner lire ton nom, mais j'ai vu ton commentaire. Si on allait avoir un restock chez RetroMTL, j'ai dit à Joe d'en recommander, mais on va en recommander pas une grande quantité, juste deux, tu sais. Parce que le restock, on se rend compte qu'on se brûle avec ça, puis comme quand tu passes le hype, c'est moi qui ai recréé le hype pour ça, mais je pense pas que je peux recréer un hype de 20 jeux à vendre. Peut-être deux. Fait qu'en tout cas, ça devrait venir très bientôt. Puis c'est ça. Alors, merci à tout le monde qui ont écouté mon post et qui sont hypés de ce jeu-là pour Mega Man X All the Way. Super. C'est très cool, ça. Ouais. Fait qu'à ton tour, JF, t'as beaucoup de choses. Ouais, ben en fait, pendant que. Premièrement, veux-tu un autre bière? Ouais. OK. Puis n'importe quel, à part le vin d'orge qu'on peut garder pour une occasion très spéciale. Mais non, pendant que Dom se lève et va au frigo, qui sent encore un petit peu la boucane. Pendant le voyage, j'ai dit je vais voyager très léger et j'ai amené ma RGB30 pour jouer à des jeux de Pico 8. Est-ce qu'on va avoir un peu de houblon qui va... Oh, n'importe quoi, c'est correct. Ça serait une... C'est bien correct. C'est une Lager Brawl. On a oublié de remercier notre commanditaire. Ouais, notre commanditaire de bière adéquate d'ailleurs, Lager Brawl, qui nous aide à poursuivre. Il y a un petit peu de mousse. Non, mais il y a d'ailleurs une bulle ici. Je suis rendu où? Ouais, non, en fait, j'ai voyagé très léger. J'ai amené seulement ma RGB30 pour jouer à du Pico 8 parce que je me suis dit, je vais pas gamer, je m'en vais en voyage, mais... Je risque d'avoir des moments sporadiques parce que je vais avoir du downtime ou ce que j'attends l'avion, whatever. Fait que je me dis, ben, Pico 8, les jeux sont très très courts, puis ça me permet d'en battre une coupe. Fait que j'ai pour vous ce soir, mesdames et messieurs, 7 jeux de Pico 8 à vous parler. Petite mousse sur le dessus de Dom, là. Juste un petit collet. Juste un petit collet, correct. Le petit collet correct. Incorrect celle-là. Incorrect, bien adéquat. On est correct, c'est adéquat. Donc, rappelez aux gens qui savent pas c'est quoi le Pico 8, fait une couple de fois que j'en parle, donc c'est une console de fantasy qui n'existe pas, qui rappelle l'époque des jeux à télévision et cette époque-là, donc des jeux très minimalistes, très petits, qui est là pour que les gens souvent apprennent à coder ou vont coder des jeux pour le fun, puis que tu peux aller prendre après ça gratuitement, ou des fois tu payes quelques dollars. Là. Donc voilà, fait que j'en ai 7 pour vous, puis j'ai des petites notes, faut que je m'ouvre mes notes en même temps, parce que je les ai notées pendant que je jouais. On est très professionnels ben ici, ouais. Des notes. J'en ai 7, puis je vous passe ça directement avec le premier Subsurface. Donc, voilà ici, Dom, c'est un Metroidvania minimaliste, mais le plus minimaliste que tu peux avoir, il n'y a pas plus que ça. C'est un jeu dans lequel on a joué un petit bonhomme de l'espace avec un saut et un tir de gun, dans le fond, c'est tout ce qu'on a. Et je sais pas si tu vois en bas à droite, il y a la map, donc c'est des carrés, là, c'est où tous les endroits où on peut aller. Metroidvania, parce qu'on doit revenir dans les niveaux, des fois on va débarrer des portes là, en déclenchant des leviers. Et on va trouver 4 power-ups qui vont être débloqués dans le jeu. Donc, un double saut, un wall jump. Maintenant, on va pouvoir nager aussi. Il y a une section dans l'eau un peu. Et glider. Donc, je me rappelais du mot glider à cause de ça tantôt. Ah, voilà. Et t'as un boss fight final à la fin de tout. Tu tombes dans un trou et t'as un boss fight à battre. T'as une narration qui est écrite dans le bas, là, comme tu peux voir. C'est à chaque nouvelle section que tu vas rentrer. Bon, on va une petite phrase qui va décrire un peu l'ambiance de qu'est-ce qui se passe. C'est très minimaliste, mais c'est très bien pour vrai. C'est un jeu qui va vous prendre peut-être 25 minutes à compléter, quand ça va vous aller. Mais c'est cute, ça. Mais c'est le fun, parce que je me suis 25 minutes, j'ai fini un jeu, je suis genre, ouais, j'ai été satisfait. Ben oui. Très, très bon jeu, donc je vous rappelle le nom, Subsurface. Ensuite, un autre excellent jeu, Shelled Shinobi. Donc dans ça, on joue Ninja Turtle, dans le fond. Quelle est la particularité de sauter et... Attends, quel Ninja Turtle? Ah ouais, ok, donc, il se mettait en carapace. C'est ça, c'est que tu peux juste sauter dans ce jeu-là et la particularité, c'est que tu peux te mettre en carapace. Et là, en carapace, tu te mets à glisser vraiment partout. Donc, c'est du platforming super tight de sauter à des endroits précis. Quand tu te mets en carapace, ben tu vas comme deux fois plus vite que quand tu es à pied. Puis tu peux bander sur les murs deux fois plus vite. Fait que faut que tu sautes sur des sections comme on voit là. Faut que c'est un bain du réflexe. Puis des fois, tu sors de ton glissement pour arrêter ton truc. Là. Tu vois des wall jumps entre deux trucs comme ça à faire des fois. Là. C'est très, très bon. C'est du pur platforming. C'est un jeu qui est parfait pour les speedrunners. Ah ouais. Faut ramasser des gens de petites canettes dans ce jeu-là tout le long. Peut se finir en 2 minutes. quand on sait où aller. Ma run complète m'a pris 13 minutes. J'ai eu 110 sur 112 canettes. Mais c'était super le fun. Pour vrai, là, j'ai joué peut-être 20 minutes à ça. Fait que le temps de comprendre les sections, comment les monter. Après ça, tu le speedrun. Puis c'est fait jumps, pour ça. C'est vraiment, vraiment cool. C'est des petites affaires très, très plaisantes. Ça s'appelle Shelled Shinobi. Donc, Shell comme carapace, là. Si je sais pas si les Turtles vont les poursuivre, ces gens-là, mais... Pense pas. Non, ça, je pense pas. Penserais pas. Donc, voilà. Mais c'est super cool. Ouais, Shelled Shinobi, check ça, tout le monde. Ouais, c'est hot. J'adore ça pour ça, là. Ah ouais, non, pour vrai. Troisième jeu, Gunsho. Donc, Gunsho, a Wild West roguelike. Donc, c'est un turn-based roguelike strategy avec une spin un peu western. Donc, on est dans une map où est-ce qu'il faut aller... dans le fond, détruire des camps de bandits. On a 5 camps de bandits à les détruire. Nous, on est un mercenaire, là, un cowboy qui vient détruire les bandits. Des bandits. Je pense qu'il n'y a plus de musique. Et puis, la particularité de ça, c'est que c'est pas en chaos, c'est comme dans des alvéoles un peu là, de ruches. Ouais. En fait, ça représente un six-shooter, comme tu vois en bas. Et puis, tu vas te déplacer dans la forme d'un six-shooter. Puis, tu as le choix de genre de bouger, rester en place, tirer du revolver, puncher, ce qui fait reculer les ennemis ou les objets comme les bombes. Courir de 2 moves à la fois et Bullet L qui fait le tour des 6 balles en tournant. Genre. Fait que tu peux envoyer tes balles partout. Fait que c'est un jeu de stratégie où est-ce qu'il faut que tu butes les ennemis. Quand les cases deviennent rouges, ça veut dire que tu peux te faire attaquer par un ennemi ou tu peux te faire tuer. Fait que le but, c'est de te déplacer et de jamais te faire pogner dans le fond. Là. C'est super intéressant, c'est super inventif comme jeu. J'ai bien aimé ça, j'ai pas réussi à le finir. C'est assez difficile vers la fin. Ouais, ça a l'air de devenir assez critique. Faut que tu réfléchisses quand même pas mal, là, parce que t'as des murs, des fois il y a du monde qui met de la dynamite. Là, t'as des TNT que tu peux faire qui font exploser puis qui vont tuer 2 personnes en même temps, des fois. Ouais. Fait que tu peux manquer de balles aussi si tu sais trop n'importe où. Pas évident. Pas évident, très inventif, très le fun à jouer, beaucoup de plaisir. Ensuite, Praxis Fighter X. Donc, un shmup avec une histoire de manifestants qui se font gonner au début, genre, du shmup. J'étais comme, ben voyons, ça tombe être l'air débile, ce jeu-là. Fait que c'est un one-level shmup. Donc, ce n'est qu'un seul niveau, ce shmup-là. Donc, c'est un jeu à high score. Il faut détruire la police militarisée qui essaie de défendre une corporation qui transporte des trucs toxiques dans des genres de pipeline. Là. Ok, mais tu joues le rôle d'un revendicateur. Ouais, qui est dans un vaisseau spatial qui shmup, là, dans le fond, comme on voit à ce moment-là. Très, très bien, c'est très minimaliste. Là. Tu vois, le high score est à gauche sur le côté, tu as un multiplayer à droite. Qui va donner plus de points, évidemment, faire plus de points dans les high scores. Je pensais que t'allais être la police qui gonne les manifestants. Hot, mais non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Donc là-dedans, t'as 3 trucs. Donc tu peux tirer, tu peux lancer une bombe au sol parce que des fois, il y a des tanks qui arrivent. Et t'as un focus mode aussi quand tu tires la bombe. Donc il va faire un genre de rond puis il va tirer dans un genre de rond assez précis. Je sais pas si on va le voir dans le gameplay. Là. C'est très très bien, c'est très très difficile. Ah ouais. T'as 3 continue, fait qu'à chaque fois que t'arrives à certaines sections, c'est comme un peu des checkpoints, fait que si tu meurs, tu reviens à cette section-là. Je me suis pas rendu au boss de fin, j'ai eu bien de la misère à le faire. Il est simili bullet hell, tu sais, il n'y en a pas tant, mais à un moment donné, ça devient compliqué parce que ouais. Il n'y a pas beaucoup de place pour te déplacer dans ce jeu-là. Là. Mais il a l'air rudement efficace quand même. Oh, ouais, ouais, la, il fait, la vitesse, tout ça, ça il l'air... va bien. T'as dit lag, qu'il n'y avait pas de power-up? Non, t'as pas de power-up. Pas de power-up là-dedans, tu y vas avec ça, puis c'est ça. Tire bon, mais genre. Ah, il y en a là, des power-up. Ah, ben oui, t'as raison. Je les ai pas vus de même. Hey, on a mouche, ça va sur ma... Ah, missiles. Ok, ce n'est que des missiles de plus, ou des bombes de plus, ou des vies de plus, en fait, des power-ups. Ok. Fait que t'as rien qui change ton gun, c'est juste pour améliorer ton score. Ouais, c'est bon, ça. Bon, tu sais les pipelines, tu sais les affaires toxiques, t'as des manifestants des fois qui sont là pour t'encourager en bas. Ils nous encouragent. Si on se mate, ils meurent pour toi. Ça a l'air cool. Fait que je rappelle le nom Praxis Fighter X. Oui. P-A-R-X-I-S Fighter X. Très, très bien. Petit jeu qui vraiment se complète en 5 minutes, ça aussi, là. J'ai été voir le boss fight sur le net, là, je me suis pas rendu, mais ça avait l'air assez difficile. Donc voilà. Ensuite, juste pour toi, Dom, P-Tapper. Oui. Oh! Tapper en Pico 8, là, c'est ce n'est que ça. En fait, par Claudio Cipolla. Ah ouais, Claudio Cipolla qui t'a fait ça. Mais c'est vraiment, c'est Tapper. C'est Tapper, minimaliste. Là. C'est pareil. Là, c'est Tapper des pauvres. Ouais, ben c'est ça, là, mais je veux dire, je vais pas vous expliquer Tapper, mais ça fonctionne comme Tapper, puis ça se joue très très bien, là. J'ai écrit dans mes notes « Baisser Tapper sur Pico 8 ». Ah, c'est ça. Ben, ça a l'air de ça, là. C'est exactement. Là, tu remplis les bugs, puis le gars est pas bon qui joue, là, mais... Non, il est vraiment il ramasse pas bon, ses bugs, ses bugs non, sales. Il court pas. Oh shit, OK, là, il a envoyé 1000 bugs. Okay, il montre un peu comment ça marche. Ah, ben là, il... Impossible. Okay. Deux clients en même temps, là. 3 ou 4 clients, là, il t'en lance. Ah ouais, il faut que t'aies poivre, là. Fait quoi, t'avais 4 modes de jeu disponibles dans celui-là que tu peux jouer, là. Donc, c'est Tapper, mais fait sur Pico 8. Les deux derniers sont des jeux qui sont pas dans... En fait, j'ai pas dit, là, mais dans... Ça, ce que j'ai montré, c'est disponible dans Splore, donc qui est le magasin dans Pico 8, là, dans le fond, un peu la boutique en ligne pour aller chercher des jeux gratuits puis explorer le store. Il y en a deux qui sont payants, qui sont sur itch.io, que vous pouvez aller chercher. Le premier que je vous parle, King 2. A Bullet Hell RPG. Là, le gameplay, le gars, il speedrun, là. Fait que, OK, ça, c'est un platformer RPG avec des combats en mini Bullet Hell. Donc, ce qu'on voit là, c'est le combat en ce moment. Fait que ta couronne devient ton combattant dans un carré, puis il faut que tu ailles comme toucher en haut en bas du carré pour faire des dommages à ton ennemi. L'ennemi te lance des balles comme en bullet hell, fait que faut que ta couronne évite les balles genre pour aller toucher en haut puis en bas pour aller. Sacrement. C'est tough là. Asti, c'est dur. Mais c'est super inventif, j'ai comme fait waouh, quel beau concept. Ouais, vraiment. T'as des parties vraiment de platforming là que tu te promènes, t'as une vingtaine de boss avec une genre d'histoire un peu peut faire farfelu dans ça, là, avec du dialogue. Là. C'est drôle comment est-ce qu'on parlait de restrictions, tu sais, au dernier épisode. Ben, ça l'est, là. Ça force le monde à être créatif, puis ça, c'est des exemples de créativité absolument incroyables. Tu vois, ça vient, tu sais, c'est pas très difficile. C'est difficile de comprendre souvent. C'est difficile de comprendre quel est le pattern à avoir pour survivre aux bullet hell quand t'es dans les combats, mais c'est très bien, là. J'ai lu que le jeu pourrait se finir en moins de 30 minutes, mais que chaque combat doit être un petit peu analysé. Fait que c'est très tough. 30 minutes, okay. Je m'attendais à plus court que ça. C'est-tu encore dur à se procurer une Pico 8? Non, je pense que tu mélanges avec la Playdate. Puis non, c'est pas dur pour la Playdate. La Pico 8, ça roule sur ton ordi. Ça me roulait sur un émulateur. Ben, pas un émulateur, mais une mini console d'émulation. Là. Ouais, c'est ça. La Pico 8, c'est de l'émulation. Non, la Pico 8, c'est un logiciel, là, mais ouais, ça marche un peu comme l'émulation, en fait. Là. Mais tu peux mettre ça sur tout, en fait. Tu peux le mettre sur tout comme émulation. Tu peux le rouler nativement sur la RGB30 ou certaines consoles d'émulation. Ça revient pas mal au même. Là. On pourrait pas mettre ça sur un analogue pocket, maintenant. Les jeux. Bonne question, je pense pas. Ça serait intéressant. Faudrait que je regarde si ça se fait, pour vrai, mais je penserais pas, mais en tout cas. Puis dans ça, y a un mode qui s'appelle le Drain Mode. Donc, ce qu'il fait, c'est que c'est quand t'es là, au lieu de faire que faut que t'ailles toucher les murs, en plus, l'énergie du boss descend tranquillement. Fait que tu vas survivre, mais ça va t'aider à descendre plus vite son énergie. Là, parce que ça devient compliqué et difficile. Là. Et dernièrement, et non le moindre, on s'en va au Québec, Dom, pour des trucs produits par des Québécois. Encore une fois, Québec Mortis, épisode 3 de notre ami Palace Game. Ah, c'est sorti, ça. C'est sorti. Ça fait quelques mois que je l'ai streamé, d'ailleurs, sur Twitch au complet. Il était sur ma chaîne Twitch. Donc, c'est son épisode 3. C'est un top-down Metroidvania qui se passe dans l'univers, dans une galaxie près de chez vous. J'avais dit à Retournez-vous, je voulais pas spoiler son concept, c'était quoi? Fait que c'est un genre de fanfiction dans l'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Aïe aïe man, c'est donc bien hot ça. C'est vraiment hot, t'as des références genre aux robots. Moi j'ai jamais écouté ça, fait que je vais rien comprendre là, mais c'est vas-y. C'est plus dans les noms, dans les dialogues. Ouais. Ah, Serge, genre le robot, Serge 2, il est là maintenant. C'était réel bossé dans l'émission, là, fait que t'as plein de petites références. Son gameplay est super inventif, t'as des belles mécaniques. du shooting. Faut que tu te casses la tête un petit peu, des puzzles. Une bonne histoire, là. Donc, Palace Game. Allez chercher ça tout de suite, là, si vous avez fait les deux premiers. Puis, j'ai parlé tantôt à PA. J'ai demandé, veux-tu que je dise quelque chose par rapport à ça? Puis, il m'a dit, dis que l'épisode 4 s'en vient en préparation. Ça va être un RPG qui va se passer quelque part au Québec, encore une fois. Parce que Québec Mortis se passe dans le Québec. Fait qu'il y a un jeu qui s'en vient. Il m'a aussi dit qu'il commence à twitcher sur une chaîne Twitch, donc Palace Game, P-A-L-A-S-S Games. Il twitch de la programmation de Pico 8 et il twitch du Castlevania. Oh! Donc, il a dit que c'était rien de professionnel, mais dans le sens que c'est pas de façon professionnelle, c'est lui qui joue, là, c'est pas sa compagnie en tant que tel, mais encouragez-le, il fait du Christy de bon stock, là, PA, donc Palace Games. Il est où ce gars-là? Il était à Montréal, quelque part, il était dans le coin de Villemort, je pense. Chris, on devrait l'inviter sur le show. Ben oui, il m'avait invité au fond à prendre une bière, puis je pouvais pas, mais on devrait l'inviter sur le show, effectivement, s'il produit des jeux. Ben, il nous parler de ça. Parce que j'essaie de penser à des types d'invités. Voilà un invité intéressant. Tu sais, tu les gros tons, Kevin? Ouais, il y a des hosties de gros tons. Il y a des tons partout là-dedans. Il y a deux hosties de nid-gaves chez nous, là. Ah ouais, hein? Et ça, de gros, faut que j'ai spread en revenant chez nous avec genre la mousse, là. J'ai la chienne, il y a des œufs là-dedans, là, je vois ça. Là. Ah, je l'ai fait ici dans la mousse, puis ça, c'était de la merde, là, en tout cas. De boire ça, là, mais ça coulait, ça tombait, ça restait pas, là. Ah, ouais. C'est pas comme l'urétane, là, que ça reste dessus, là. C'était pas. En tout cas. Mais voilà. Très, très cool, ça. Oui, on va checker ça. Fait que c'était mes 7 suggestions de jeux de Pico 8, parce qu'il y a des milliers de jeux là-dessus, c'est dur de se retrouver des fois. Puis j'avoue, hein. Voici ce que je fais. Je vais vous venir de temps en temps vous parler de 5-6 jeux que j'aurais joué pour. Ben, donner des suggestions. Comme celle que voilà. Voilà. C'était ça. Cool. Ça a été mon voyage à Vegas, c'était ça, là. C'était les photos que vous avez vues tantôt, que, pas toutes les photos, mais. Et le gameplay du Pico 8. On arrive directement à la fin de la musique, en plus. Hey, c'est que t'as arrangé. Hey, on s'en va aux questions du public. On s'en va aux questions du public. Ah, tu mets Blaster Master. Je pensais qu'on l'avait fait. Je vais laisser juste une fois. Là, juste une fois, pour faire capoter le monde. J'ai pas eu le temps de changer encore la musique. Là. On le sait que ça vous fait capoter. Fait qu'on mettra pas ça tout le long, mais au moins une petite shot. On salue It's Me, Jimmy, dans le chat, qui nous dit coucou. Alors, on commence avec les questions de Instagram pour faire oui. Changement, comme toujours. Il y a 3 commentaires. Monsieur Jacko. Ah. Salut les gars. Vous pouvez développer un jeu vidéo pour votre ou vos enfants. Que faites-vous? Je suis en train d'en développer un pour mon gars, avec mon gars. Ah ouais? C'est quoi que tu fais? Ben c'est sa suggestion à lui. C'est un... OK. C'est un jeu de char que tu contrôles les lumières de circulation. Fait que mettons, dans le plus simple, là, mettons t'as un... Quand tu mets le feu vert, le char avance tout seul. Ouais, mais mettons t'as une rue comme ça qui se croise. Fait qu'une intersection. Fait que t'as des chars qui attendent la lumière rouge. T'as des chars dans l'autre sens qui passent. Faut que tu dises quand les chars peuvent avancer. Fait que plus genre t'as de des traffic chars, jam. Là. Genre, là, fait que à chaque fois que tu mets vert, les chars avancent. Faut pas que les chars se rendent dans l'autre char qui s'en vient. Fait que contrôle le trafic un peu. Là. Mmh. Mon gars, il voulait ça. Je suis comme, ben, je peux t'en coder un. Si tu veux un jeu, il dit, j'aimerais ça contrôler des lumières. OK. C'est cool ça. C'est hot. Sur Pico. Sur Pico que je vais faire ça. Je suis pas assez bon encore. J'essaye là, tranquillement de regarder comment je le fais. Mais j'ai commencé à drafter ça. Là. C'est vraiment cool ça. Bravo. Moi, je sais pas trop, là, tu sais, comme, mon plus vieux, il game en masse, là, avec ses amis, il joue à NHL, là, ces temps-ci, je pense pas que je pourrais le combler avec autre chose, puis mon plus jeune, il joue de moins en moins, fait que, ce qui est correct aussi, moi, je tiens pas à ce que mes enfants soient dans le gaming, absolument, c'est pas nécessaire. T'as-tu un petit pincement au cœur quand il a lâché le gaming tranquillement, ou c'est... Ben, j'aimais ça, jouer avec mon plus jeune, quand même, puis là, maintenant qu'il... Ouais, c'est plus ça que de pousser des intérêts dans la gorge, dans le fond, là, c'est... Ouais, mais j'ai poussé rien, tu sais, on avait du plaisir ensemble. Mais ouais, puis je l'ai jamais forcé, là. Mais lui, il est comme, ah, papa, il fait ça, je veux jouer avec papa. Mais là, il vieillit, puis là, c'est comme, bon, ben, OK, mais j'ai plus envie d'être avec papa, puis c'est plus le fun, tu sais. Mais il était bon, là, c'est pas comme si je le traînais, là, tu sais. On a fait fucking River City Girls ensemble au complet, tu sais. C'est hot, là. Mais bon, là, à cette heure, c'est fini. Fait que, voilà, c'est la fin, je fais plus rien. Mathieu Tremblay. J'écoute la chaîne de Rétro Nouveau sur Twitch de temps en temps et je suis tombé sur un top de console ou jeu bizarre. Connaissez-vous le jeu Stroker au Commodore 64? J'ai découvert ça étant très jeune et été presque traumatisé quand j'ai compris que je ne contrôlais pas un manche d'avion. Continuez votre bon travail. Fait que là, ça va être une affaire de pénis. Je sais pas si on peut le mettre. Ça va-tu nous faire flaguer? Ben, c'est très pixelisé, là. On peut vous le mettre. C'est un pénis, là. Tu tiens un pénis, ça a l'air, là. OK. C'est qui faisait ça? C'est-tu legit, ça? Ça existait, Stroker? Ben, ça a l'air, là. 4 sur 10. 4 sur 10, très mauvais. Et 5 sur 5 en bas. En tout cas, c'est ça, là. Bon, ben voilà, jour de pénis au 64. Merci à Mathieu de nous avoir fait connaître. Il parle d'ailleurs des archives de Rétro Nouveau. Je pense que je vais déplacer les archives de Rétro Nouveau sur ma chaîne Young Media parce que on n'a plus accès au courriel de Rétro Nouveau. J'ai peur, regardez, ça me joue des taux là, de diffuser sur une chaîne que j'ai plus accès. Fait que je vais prendre les archives, moi juste les mettre sur ma chaîne à moi. Ouais. Donc, les gens qui veulent continuer à suivre les archives, venez sur Young Media. Ça va être là à la place. Bon, ben parfait. On fera sûr de le rappeler régulièrement aux gens. Je pourrais peut-être même, de bord, prendre nos critiques qu'on fait ici et les rajouter dans le lot. Parce que ça sera plus Rétro Nouveau, ça va être ma chaîne. Fait que ça va être... Voici des critiques de jeux, peut-être? Je sais pas trop, là. Ça, si tu veux. Je pourrais passer les replays de nos podcasts. C'est... Il y a bien des affaires qui s'en viennent. Là. C'est... Tout est possible. On pourrait même aussi l'afficher sur la page de Rétro Nouveau, dont on a encore accès, bien sûr. Dire, pour ceux qui écoutaient les archives, maintenant déplacées sur Young Media. Là. Ça pourrait. Ça va être ma chaîne de Young TV que j'ai toujours voulu avoir. Là. Excellent. C'est... On fait des affaires. On vit des rêves ici. Là. Matt, oui, Matt. J'ai deux questions, si vous avez le temps, bien sûr. Oui. Un, y a-t-il un rétro ou nouveau que vous n'avez jamais réussi à... On recommence. Ah, il manquait des mots, je pense. Y a-t-il un jeu rétro ou nouveau que vous n'avez jamais réussi à terminer, mais qu'il vous a toujours resté en tête? Battletoads, là. J'ai mis tellement d'efforts dedans, même adulte, là. Genre, ouais, je me mettais tout le temps, puis je me rends un peu plus loin, puis je suis pas capable de le finir. Là. Moi, il y en a un au NES, c'est Conquest of the Crystal Palace. Moi, j'ai plein de jeux au NES de même qui sont comme... Faudrait. Puis, faut que je le fasse un moment donné. Crystalis en est un, j'en ai parlé à Rétro Nouveau, puis je suis content de l'avoir fait. J'ai commencé, j'ai aimé et j'ai fini. Conquest of the Crystal Palace, j'ai choqué à la fin. Okay. Puis ça me fait chier de choquer un jeu à la fin. Clash at Demon Head est un jeu que j'ai tout le temps testé puis jamais poussé. Mais c'est parce qu'ils sont pas si fun, ces jeux-là. Faut que tu te fasses. Mais ils sont pas de la marde non plus. T'sais, c'est comme une balance. On a comme plus le temps. Fait que, faut que je trouve le temps de désirer. Oups. Non, c'est moi. Excuse. De désirer comme m'y mettre. Fait que, en tout cas. Mais puis ces temps-ci, puis tantôt, on va avoir une question par rapport à ça. Bref, je m'y mets moins. Mais pour moi, ça va être Conquest of the Crystal Palace. Je me dis, pourquoi j'ai jamais fini? J'étais rendu à la fin. C'est juste que le dernier niveau est un labyrinthe, c'est vraiment dégueulasse. Fait que voilà. Deuxième question. Une petite question pour GF, mais Dom peut répondre aussi. Quel est ton match de lutte préféré de tous les temps? Pour ma part, c'est Ric Flair versus Shawn Michaels au WrestleMania 24. C'est un très bon match là, avec la fin. Shawn Michaels qui fait juste dire I love you puis il crie sur un kick dans la face. Là. Ça, c'était iconique. Légendaire. Un match difficile, là. Je m'en allais là, justement, des matchs qui ont marqué mon imaginaire. Taker contre Mankind dans le Hell in a Cell. Définitivement. Qui n'est pas un très bon match, mais que l'ensemble est incroyable. Juste pour le fait que Mick Foley remonte en haut de la cage après être tombé dedans. Il était mort, là, puis il a tout fait. Je vais en donner d'autres. Un autre qui a marqué mon imaginaire. On a déjà parlé, je pense, à Rétro Nouveau, ou peut-être ici même... Terry Funk contre Cactus Jack au King of Death Match en 95 au Japon. Ça devait être bloody, en esti. C'était bloody et ça explosait, c'était du barbelé, c'était débile. Puis, ouais, la dent qui sort de son nez, ça, c'était assez fou. Taker contre Mankind. Sinon, récemment, je vais dire Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura à la NXT quand Nakamura fait son premier match. Un des plus beaux matchs que j'ai vu de technique, là, vraiment incroyable. C'est ça, je prends un homme et plein... Au Japon, tous les matchs de Misawa contre Kawada. Allez voir ça, si vous voulez voir du monde se taper sa gueule fort, là. Deux gros gars qui se droppent sur la tête. Misawa contre Kawada. J'ai du lore. Du gros lore. Je lance des termes comme ça. Là. Personne ne comprend rien, mais vous irez voir ça. Ah, man. Les Steiner Brothers. Les Steiner Bros. Moi, j'aimais beaucoup la rivalité Steiner Brothers contre les Quebecers. Là. C'était du bon shit. Le fils à Rick Steiner, il lutte en ce moment. Là. Ah oui? Braun Breaker, c'est le fils à Rick Steiner. Là. Il est-tu bon? Il est excellent. Ils sont en train de le pousser comme un des prochains champions. Là. Ah ouais? Hein? Il est très, très, très bon. Là. Moi, j'en ai pas en tête. Là. Ray Mysterio versus Dominic Mysterio, WrestleMania. Il y en a plein. Le Montreal Screwjob. Bret Hart contre Steve Austin quand il y a le sharpshooter puis Austin saigne la face. Là, ah ouais. Des ouais, moments ouais. iconiques comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein, c'est clair. Je devrais peut-être faire ça sur ma chaîne des fois, genre écouter des vieux matchs classiques puis les commenter. Hey Chris, j'aimerais ça. Tu m'inviteras chez vous. Ben oui. On va se saouler puis je vais aller dormir chez mes parents. On va être rendu avec 12 podcasts, on va juste être toi et moi partout là, qui vont faire des affaires différentes. George Bastos qui m'a écrit un email. À Papa hein? Okay. Pas un email, qui m'a écrit dans Messenger Papa Cassette. Non, désolé, Cyclone, il n'y a rien de bon de Hulk Hogan. Bon, le Ultimate Warrior versus le Honky Tonk Man, match de 3 secondes. Milter qui va venir au podcast, tu viendras, même, Milter. Ah, tu viendras, Milter. Faut que tu fasses la gueule. J'ai tellement, genre, 2 secondes de me partir un podcast de lutte, puis que je le fais pas, là, mais. Ouais, j'aimerais ça, j'aurais ça à faire dire, là. Ben, certainement, fais-le. Ouais. Le sextape de Hogan. Ah, je l'ai pas écouté, là, cette scène. Attends, là, on va changer la musique pour que le monde nous gosse, là. Fait que, bon, George Bastos qui m'a écrit dans Messenger de Papa Cassette. Bonjour, papa. J'ai vu dans un aéroport, pas un aéroport, mais un aéroport en Europe, une borne d'arcade avec genre 3000 jeux. Bref, beaucoup de jeux. Je vous demande votre avis si vous connaissez sûrement un détaillant ici au Québec qui fait ça et que ce n'est pas de l'arnaque. C'est perso pour mon sous-sol, merci. Fait qu'il y en a beaucoup des gens qui fabriquent des gens d'arc. Ils fabriquent pas les cabinets, mais il y en a qui le fabriquent, les cabinets. Tu peux fabriquer là, ça se fait. Là. Mais moi j'en ai vendu 2 cabinets ici des restants de Arcade MTL que la personne, il n'y a plus rien dedans. Là. La personne utilise juste le cabinet pour faire des bornes des bornes multijeux. Si tu vas sur un marketplace là puis tout ça, il y en a plein. Il y a plein de monde qui font ça. Des mamés. Oui. Comme dirait Nick, le gars de la balle molle. Des mamés. Tu mets le cabinet vide et puis tu crées un ordinateur là-dedans, un écran LCD, tu fais un petit marquis, tu décores ça proprement, tu te mets des contrôles panneaux que t'achètes. Parce que tu sais, si t'as l'ordi, tu peux aller sur AliExpress puis te pogner genre un board de 2 sticks d'arcade puis ça fait le même job là aussi. Exactement. Si tu te casses la tête, là. Fait que c'est beaucoup, pas grand-chose. Pour ceux qui pensent que ces affaires-là sont les gros projets. Ah oh non, pas du tout. Là. C'est crissement de la camelote. Même là, c'est un logiciel que tu mets des ROM dedans. C'est super simple à cette heure-là. Fait que quand vous achetez ça, vous achetez au prix vendant, là, je sais pas combien ça se vend, cette affaire-là, 2000$, je sais pas trop. Vous achetez une personne qui a pris le temps de le faire. T'sais. Si vous êtes débrouillard, vous êtes capable de faire ça. Sinon, c'est correct aussi. Ouais. Je comprends totalement les gens qui veulent avoir ça chez eux. Tu veux essayer plein de jeux, c'est tout à fait normal. Puis tu veux le feel d'arcade. Ça dépend ce que tu veux recherches. Là. Exact. Fait que, bon, c'est quoi la question? Si on connaît du monde qui en font. Je connais personne qui en font. Tu sais, je connais pas comme un détaillant ou quelqu'un d'officiel avec qui j'ai déjà fait affaire, whatever. J'ai jamais acheté ça. Celle qu'il y a chez Arcade MTL, c'est... vieille affaire montée depuis 10 ans, tu sais, qu'on roule, on la roule vraiment depuis 10 ans, tu sais. Puis elle fait tout ça, puis Joe l'entretient. Puis c'est bien le fun d'en avoir une dans une place comme ça. Mais il parle d'aéroport. À Montréal, j'ai vu, il y avait un coin Game Over, il y avait 2 arcades. Il y avait genre une Pac-Man, puis je pense qu'il y avait une même à côté. Puis à Vegas, il y avait des slot machines à l'aéroport. Ah ouais, c'est sûr. C'est un peu fucked up, là, ça. Là. Genre, c'est sûr. T'arrives à Vegas, t'en vas jouer aux machines à l'aéroport, qu'est-ce que tu fais? Genre... T'es pas capable d'arrêter. Ah ouais, calme-toi. Excusez. Ah, ce petit je rapport. Fais des rapports. Comment tu sais par Lager Brawl, bière adéquate? un rapport adéquat. Donc là, je vais prendre les questions Facebook et je vais y aller dans l'ordre décroissant. Donc, le dernier à celui qui nous a écrit il y a 2 heures. Juste avant le show. Oui. Contrairement à mardi, j'ai publié la publication mardi. J'y vais de même, on est fou de même. Freestyle. Alors, Michael Goulet. Salut, mais c'est Michael Goulet. Cool guy, salut Dom. As-tu des destinations touristiques gaming à suggérer près de notre belle province, Canada US? J'arrive du Pinballorama à l'île du Prince-Édouard. Wow! Cette chose existe. C'est cool. Ça. J'en avais aucune idée. Et c'était super tight. Je sais que tu vas dire que je suis de la fonction au public ou professeur à cause de mon nom. Je ne suis qu'un simple CPA. Ah, c'est drôle. Wow. Parce que j'arrête pas de dire que les gens qui transforment leur nom, tu sais, sont des professeurs, mais du monde qui veulent pas se faire trouver. De la ça pourrait, là. Ah, oh, man, il est clever, il est tellement drôle. Fait que, ben, oh, c'est un CPA, donc bravo. C'est une richesse d'avoir un comptable dans son entourage. Alors, bravo pour tes études supérieures et ton titre de CPA, ce qui n'est pas une moindre chose, mon cher ami. P. Puis c'est très cool, le Pinballorama. J'avais aucune idée que cette affaire-là existait. Ben oui, sinon, mais on va googler ça plus tard. Mais moi, j'ai pas de destination. Mais il y a une destination que je vais aller dans le New Hampshire, c'est le Fun Spot. Ouais, le Fun Spot, c'est comme une... c'est comme un entrepôt géant sur plusieurs étages d'arcade et de pinball. Puis il y a un étage. Ma soeur est allée il y a 2 ans. Puis il y a un étage consacré totalement à des vieilles arcades, là, ah, Atari, cool, là, tu sais, dont justement des affaires comme Mousetrap ou que tout le monde s'en fout de Lock and Chase, tu sais. Ouais. des jeux qui n'ont pas levé tant moi, que ça. Moi, je vois Lock and Chase, je m'en vais jouer à ça. Ben, moi aussi, tu sais, des jeux qui n'ont pas levé tant que ça, mais crime, qui ont. Toutes ces vieilles affaires-là ont eu leurs arcades, tu sais. Il y a plein d'arcades d'Ataïste là-dedans, là, tu sais. La fameuse arcade d'Ataïste. Exact. Comme dans Robocop. C'est ça, c'est en ça que. Quoi, dans le il y a film, un film qui a une arcade d'Ataïs, je pense que c'est dans Robocop. Ben, il y a une arcade Robocop qui est faite par d'Ataïs, me semble. Anyway, c'est d'Ataïs. Mais dans le film de Robocop, me semble qu'ils vont dans une arcade d'Ataïs à un moment donné. Où je me mélange le film. Là, mais... Chris, une arcade d'Ataïs. Mais tu sais, il y en a quand même proches. Là. Il y a le House of Tar, évidemment, à Ottawa. Sinon, tu vas à Toronto, il y en a une couple de genre de. Ouais, place, à Toronto. Robocop 2, Fred, d'ailleurs. C'est Fred. Ah, Fred nous corrige, c'est dans le film Robocop 2. Il semblait que Fred a déjà parlé de ça. Juste des machines d'Ataïs, c'est donc bien une scène. C'est malade. Wow! Hey, ça, c'est hot. Faut revisiter ça. Fun Spot, c'est ça, exact, comme Zombie Milter dit dans le chat. C'est juste à 4 heures de Montréal. C'est pas loin, là, le Fun Spot, là, pour vrai. Puis, là-dedans, man, c'est ça, tu passes la journée là, tu sais. Ouais. C'est infini, tout ce qu'il y a là-dedans, là. Fait que j'aimerais vraiment aller là. Mais sur Toronto, il y a des barcades. New York a des barcades. C'est dans toutes ces grosses villes-là, à Star, ont presque toutes leurs barcades. Ah oui, il y en a tout. San Francisco, mais là, on est rendu loin aux States, là, mais il y en avait partout de ça. Là. Puis je pense que c'est à Chicago qu'il y a Galloping Ghost. Je suis pas tout à fait sûr. Googlez Galloping Ghost. C'est ma prochaine destination, probablement, ça. Ah ouais, hein? J'étais comme, ouais, il y a une game de hockey à Chicago, puis faire le tour de la ville, aller pogner les gosses du gros buff, là, genre, ouais. Du gros taureau. Là. Ben, c'est pas à New York, ça, les gosses du gros taureau? Non, ça, c'est à Chicago. Ah, je pense que c'est la grosse c'est une autre affaire à Chicago qu'il faut toucher. Là. Les gosses du taureau, c'était dans le district. Va voir le business, j'y aille, là, au moins, là, toucher ça, là, pour la chance. Là. Toucher des gosses. Fait que voilà, moi, c'est la place. Tu sais, il y en a partout, mais s'il y a une grosse place proche que je voudrais faire et que je n'ai jamais fait, ça serait celle-là, mon cher. Éric Hébert, allô Dom. Allô Dom. As-tu hâte d'aller à The Archive ce week-end? Alors, je voulais en venir à ça. Ce week-end, donc après-demain, je quitte la grande ville pour aller dans une petite ville, celle de Burlington au Vermont, parce qu'il y a un festival de bière. Et puis, nice. Je vais là avec Éric et Kevin Boily du défunt podcast. Le Chac à cassette. Et puis, notre Kevin, l'excellent speedrunner. Là. Exact. Et puis, notre ami Yann McMurray. Alors, tous des Weggers. Tous des cool guys. Puis, c'est des gens qui aiment la bière, tu sais. Alors, nous, samedi, de midi à 4 heures, c'est notre pass là, pour aller au Festibière. Là. Ça s'appelle pas le Festibière, au Festival de bière. Fait qu'on va là. Mais ce qu'il y a à Burlington, il y a une arcade, un bar arcade qui s'appelle The Archives. Okay. Donc, les archives. C'est ça c'est le nom. Des machines, je sais pas pourquoi. Puis c'est des arcades. C'est pas énorme. Ça a l'air plus petit qu'arcade MTN, mais ça a l'air super propre. Et il y a une machine de tapper que je veux jouer absolument. Ça fait tout le monde va à Burlington pour faire ça. Le party, aller au festival de bière, tous mes amis. Tapper! Puis ils m'envoient toutes des images de tapper et des arcades. J'y vais, esti, ça se passe là. Prends des photos. Et puis le vendredi, on s'en va dans une place qui ferme à 10h le soir. Ça semble être un espèce de projet. Semi-clandestin, okay. comme j'avais un peu avant Arcade MTL, tu sais, sur Moreau puis sur Frontenac. Comme c'était un BYOB, fait que t'apportes ta boisson, tu payes, tu sais. Un peu comme on faisait, là, tu sais. Fait que ça, c'est crissement hot. Puis ça a l'air très underground. C'est une place de pinball, fait qu'on s'en va là, jouer au pinball, puis à 10h, c'est fini. Là, il faut pas trop se torcher le vendredi parce que on commence à boire de la bière à midi et 15, tu sais, le lendemain. Et puis, ce qu'il y a aussi à Burlington, c'est le Foam Brewery, ce qui est une brasserie de renommée, de grande renommée. Et puis, c'est juste au bord de la rue du Festival de bière. Fait que samedi, ça va être très occupé. On s'en va au Festival de bière, on va aller chez Foam, sûrement, on va bouffer, on va aller à The Archive, ça va être notre grosse soirée. Magique, ça. Et puis, on s'est pogné un petit Airbnb qui, je l'espère, va être confortable. Alors, oui, Eric, pour répondre à ta question, j'ai très hâte. Ah, Blastman dans le chat, il dit « J'allais dire qu'ils avaient une tapeur, tu peux apporter tes enfants l'après-midi et la fin de semaine. » Comme le House of Targ, tu peux amener tes enfants le dimanche, genre, c'est gratuit ou tout genre. Là. Exact, le dimanche matin, t'as un brunch, là, les enfants, puis tout. Là, c'est il y a Carl Leduc qui dit qu'il reste des tokens de The Archive chez eux. Ah, c'est malade, ça. Tout le monde est allé, sauf moi, tu vois. Fait que je pourrais essayer de faire un petit photo-reportage peut-être pour le prochain épisode aussi. Ben oui, tu m'enverras ça, puis on le mettra. Là. Exact. Ou peut-être ça va faire trop tard, là, je sais non, pas. Non, vas-y sur ta page direct. Là. Ouais, c'est ça, directement. On verra. Alors, j'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. Nice. Patrick Doyon, lors du dernier épisode de Papa Cassette, a vite évoqué les possibilités d'élaguer sa collection DS. Si tel est le cas, quel jeu ferait partie de la première vague de coupure? Alors, ça, c'est intéressant. Fait que je vais aller tout de suite dans mon application DS et j'ai déjà... placer des jeux peut-être en vente ou semi-en vente. Je vais très vite parcourir ma collection DS qui d'ailleurs comporte 57 jeux. Je vais pas nommer 57 jeux. Oh. Mais je vais... Un après l'autre. Mais si vous voulez aller dans les archives et les vieux épisodes de Papa Cassette, j'ai à un moment donné couvert ma collection DS au complet. J'ai présenté à la caméra pendant la pandémie, jeu par jeu. Alors, et en disant whatever ce que je pensais de ce jeu-là. Alors, allez sur YouTube voir ça. Je prends une petite gorgée de bière. Ben oui, pendant que je vais meubler du temps en disant n'importe quoi. Là. Bravo, t'as réussi ta job, je suis déjà de retour. Ça fait 12 ans que je podcast, 15 ans, je sais pas. J'ai l'expérience pour ça, là, les temps morts. Là. Un jeu que je me débarrasserais peut-être, Big Bang Mini, qui est un espèce de jeu de feu d'artifice quand même cool, mais auquel je n'ai jamais tant joué et que je jouerai jamais. Il y a le jeu Commando Steel Disaster, qui vaut 340$. C'est un des genres de Grail, la console, mais qui est tellement difficile. C'est comme un Metal Slug-like. Peut-être c'est une chose que je pourrais vendre pour de l'argent. Quoi d'autre que j'ai ici? J'ai beaucoup de... Moi, Kirby Superstar Ultra, je suis pas tant fan des jeux de Kirby Superstar, des jeux de mini-jeux de Kirby. Wow. Je les ai, là, mais j'aime pas tant que ça. Les platformers sont meilleurs. J'aime général. Les platformers puis les aventures. Hey, Montréalien, on vient de dire allô en plus. Je viens allô, juste de donc. Parler à côté de notre voyage dans la fin de semaine puis je suis super hype. Recule une couple de minutes. Mais j'ai super. J'ai vécu beaucoup d'anxiété aussi cette semaine, Eric, puis je vais avoir besoin de chaleur humaine puis que. C'est-tu la cam ou j'ai le droit être vraiment rouge? T'es vraiment rouge. Ok, ça se peut, j'ai été la canicule. Ah, ben non, mais c'est Vegas. C'est Vegas. Je me suis mis de la crème solaire comme je pouvais, là. Fait que ça se peut que je break down, là. J'espère être capable de garder mon shit puis pas te faire des crises de panique en fin de semaine. Non, mais c'est pour vrai. Je me sens dépassé présentement. Puis là, c'est comprenable. Je force mon cerveau à compute de genre, ça va, y a pas, on s'en calisse, ça va, sur plusieurs aspects de ma vie. Fait que tout ça tient avec des bâtons de popsicle. Toujours. Puis qui sait quand est-ce que ça peut lâcher. Je vais peut-être avoir un breakdown en fin de semaine. Pleurer tout le long du trajet en auto. Là. Non, mais c'est ça, je veux pas, tu sais. Mais voilà. Mr. Driller, Drill Spirits, et j'ai jamais joué, puis ça... c'est peut-être quelque chose que je vais laisser partir. New Zealand Story, qui est un platformer que je... C'est pas si le fun, tu sais, je vais peut-être le laisser aller. Okami Den. Moi, Okami, j'ai jamais tant joué. Wow. Je l'ai au PS2 puis tout. Pis c'est un beau jeu, puis tout ça est magnifique. Puis Okami Den sur DS, c'est une autre version que j'ai jamais joué. Puis je pense pas que je vais jamais prendre le temps de jouer à ça. Ça vaut 80$. Je pourrais le vendre à cause de ça. Rainbow Islands Revolution. Que j'ai acheté l'année passée, que j'étais comme, oh, j'adore Rainbow Island, Bubble, tout ça. Ouais. Mais c'est pas bien bon. C'est fucking pas bien bon. Et Wireway, qui est un espèce de jeu de Konami. Ça, c'est très weird. C'est un genre de bonhomme, un petit bonhomme noir, là, pas allumette, là, mais weird, qui connecte qui, avec des fils qui bounce de place en place, comme un grappin shit. Wireway. Et puis. Des câbles. Ouais, ben laisse faire, là, ça va te prendre le temps, là, ça va te prendre du temps de le trouver. Ça vaut fuck all, man. CIB, ça vaut même pas 10$ dans mon application. Ce jeu-là vaut rien. Ça? Exact. Ça m'a pris du temps de le trouver. Ouais, ça t'a pris ben trop de temps. Fait que ce jeu-là, hey, Konami, ils se sont dit, on va faire ce jeu-là, tu sais. On va créer ça. puis ouais, ça va être c'était l'équipe genre DE là, genre de Konami là. Ben peut-être là, tu sais, mais ils ont les stagiaires qui checkaient là. Ils ont fait l'effort là, tu sais, puis moi je m'attendais à ce que cette chose soit quelque chose, puis je le garde parce que je me dis c'est moi là qui prends pas le temps. J'ai le hockey. C'est moi qui prends pas le temps, tu sais. Mais quand j'ai pris le temps, je trouvais ça pas bon. Alors peut-être que je prends pas assez le temps. Et puis Zookeeper est un genre de match 2 ou match 3, je me rappelle match pas. Match 3. Match 2, c'est assez facile. Ouais, c'est ça. Match 3, c'est peut-être une chose que je laisserai aller. Marc-André Nadeau, avez-vous dépensé beaucoup au Prime Day? 0$. Je vais pas regarder. Ben, moi non plus. Je dépense très peu parce que ma maison m'a coûté une fortune en réparation en ce moment. Là. Hein? J'étais parti. Mais c'est quoi le Prime Day? C'est t'as 2 jours puis t'as plein d'affaires en rabais là, qui sont sur Amazon. J'ai pas regardé ça. J'aurais dû regarder. Moi, je pensais que c'était juste le shipping gratuit pour ceux qui sont pas sur Prime. Non, non, c'est plein d'affaires en rabais, là, avec des rabais genre éclair, là, mettons. Mais moi, j'ai pas regardé, j'ai rien acheté. Là. OK. Milter dans le chat nous confirme qu'il n'y a rien d'intéressant côté Milter. Gaming sur Prime Day. Alors, ça nous réconforte. Merci beaucoup. J'ai rien acheté, moi non plus. J'ai vu les pubs dans TikTok. Puis moi, avec, je suis pas en mode d'essayer de me trouver des dépenses. Fait que, oh non, non, moi, je suis en train de faire l'inverse. Là. Guillaume Lucier Poirier, avez-vous essayé le jeu NES Homebrew Micro Mages? Et si oui, quelle est votre opinion de ce jeu? Je pense qu'il y a eu deux critiques à Rétro Nouveau au moins de ça. Là. Exact. Au moins 2 critiques de ça à Rétro Nouveau. Et puis, on a tous, bien sûr, adoré. Un ça excellent joue, jeu à 4. Ça joue jusqu'à 4 au NES. Fun, c'est super le fun. Et puis, c'est bien réfléchi. Tu t'emmerdes jamais quand tu meurs. Tu peux être encore utile. C'est pas brisé ça. Tout est bien fait dans ça. Là. Exact. C'est un parfait jeu de WEG où est-ce qu'on joue tout le monde, tout le temps. Je pense que ce jeu-là se fait faire à chaque WEG au moins. Ouais, plusieurs fois par différentes gangs de 4 personnes. Là, c'est ça. Là. Exact. Donc, on en pense beaucoup de bien, Guillaume. C'est un excellent jeu. Puis je pense qu'il y a un 2 ou un upgrade. Ou y a un ouais, il y a eu des niveaux qui ont sorti, qu'on avait joué au dernier WEG ou l'autre avant. Oui, oui, oui, c'est vrai. J'ai déjà parlé, ouais. Alors, tout ça est excellent. Là. Tout ça est une grande réussite. Ouais, et puis, on bravo. Applaudit les gens derrière ça. Jim Gendron, qui est dans le chat. Jim! 10 jeux de NES. Oh, tabarnak. À part les Mario Zelda Castlevania a joué avant sa mort. Pas facile, ça. Ben, tu sais, je ramène toujours les Natsume, là, Shadow of the Ninja, Shatterhand, puis tout. Bon, Power Blade. Ben, tu sais, les Ninja Gaiden est une série à explorer, bien sûr, les Castlevania. Dit Contra dans le chat. Ah, il a dit Castlevania, on n'a pas le droit. Contra, bien sûr. Tout ça est trop facile. DuckTales, tu sais. Oui. C'est grand classique, DuckTales. Dragon, c'est un jeu très cher là. Dragon Fighter. Ben ça rentre dans le Natsume ish là, tu sais. Mais j'ai mis chez nous, je pense. Ah, je pense pas. Ou je mélange Dragon quelque chose que j'ai chez ouais, nous. Tu te mélanges avec d'autres Dragon non, Power ou Flying Dragon, mais Dragon Fighter. Tu devrais écrire NES après. Ouais. C'est un excellent jeu, underrated, mais ça coûte très cher. Par contre, celui-là est très triste. Ah non, okay, c'est pas celui-là que j'ai. Tant qu'à être dans un jeu cher, moi je dirais Swordmaster, qui est comme excellent. C'est un jeu, ça. Moi, c'est Dragon Warrior que je parlais. C'est que j'aime pas ouais. ce jeu-là. T'aimes quoi? T'aimes pas ça? Ben, j'ai pas joué depuis que je suis jeune, en fait. J'ai jamais aimé ça. Là. Ça ici. Ah, il y en a 4 sur NES. Là. C'est un RPG. Mais ça, c'est le premier. C'est très... Cette pochette-là, je l'ai puis j'ai jamais compris rien. Là, ça. Ouais, ben moi aussi, quand j'étais jeune, je comprenais rien de Dragon Warrior. Faudrait que je me réessaye maintenant adulte, là, peut-être. Là. Ben ça, c'est Dragon Quest au Japon. Alors, ah, Dragon okay. Quest, une très grande série. Puis ici, ça s'est appelé Dragon Warrior. Puis bon, mais ouais. pas à jouer. Pas nécessairement dans les top 10. Ben, moi, je l'ai aimé, le premier. Ouais, OK. Ouais. Ben, oui, t'es perdu, puis ça n'a pas rapport, puis il faut que tu cherches, tu sais, puis tout. Mais c'est sinon, tu sais, Urban Champion. Non, Urban Champion, Balloon Fight. Là. Mais Bubble, là, des Bubble classiques. Bubble, définitivement. Carl Le Duc dans le chat qui dit qu'il est à 2 doigts de s'acheter Mr. Run and Jump en spécial. Dude, achète ah, ça. Ah, ouais, vas-y. Attends, là, tu parles-tu de la version 2600 cassette? Ben, d'un, si oui, t'aimes les jeux Atari physiques, ça te le prend. Puis deuxièmement, si tu parles de la version moderne, c'est super bon, là. C'est un Super Meat Boy, mais différent, fait par Atari. Puis c'est... Mr. Run and Jump, le vieux comme le nouveau, ben, les deux sont nouveaux, mais Oui, 2600, parfait. Si t'aimes explorer l'Atari 2600, t'sais, c'est un jeu très convenable là, et très cool. Là, t'sais, ouais. Non, c'est hot. Faudra que j'en fasse la critique d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi le jeu, il jam, il bug tout le temps dans ma, ah ouais. dans ma machine. Puis on me dit que c'est ma machine le problème, mais en tout cas. Fait que, quel autre jeu NES, vite fait? Pinball, Cuckoo-Land. Il n'y a rien là-dedans qui vaut la peine, ces hosties d'affaires. C'est les pires. À part peut-être tennis. Tennis, man, tu le mets à 5. Il est bon, tennis, pour vrai. Pour vrai, il est super bon, tennis. Jeu de NES, ça. Absolument. Golf, baseball, tennis, soccer, des sports. C'était facile, ça. Mais golf, j'aime beaucoup aussi. Golf, c'est tout le temps le fun, ces jeux-là. Abadox est un shmup intéressant. Là, je fais juste comme... Toutes les Mega Man. Ouais, mais ça, c'est des séries faciles. Batman. Batman et Batman Return of the Joker. Ouais. Puis Batman Returns. Ça, on parlait de jeu tantôt, ouais, là, ouais. Qu'il faut vraiment donner une chance ou que j'ai jamais fini, whatever. Batman Returns au NES. Graphique incroyable. Gameplay tight, des combinaisons, musique de fou. Tout ça est un package super, mais je sais pas ce jeu-là, c'est quoi qu'il y a. Il est dur. C'est dans lui qui a Batman des très petits bras. Il y avait un jeu de Batman là, qu'on avait parlé qui avait des très petits bras. Là. Ah, c'est pas, je me demande si c'est pas Fred au Genesis. Ben, c'est Fred qui en avait parlé, oui, là, mais ouais, c'est ouais, vraiment ouais, au Genesis, ouais, effectivement. Là. Fait que voilà, sinon écoute, il y en a tellement, man. C'est sur le fly de même, c'est trop difficile. Jouer à tout ça. C'est trop difficile. Ouais, c'est celui au Genesis que Fred nous confirme que c'est Batman. Les affaires qui m'ont marqué, dont les petits bras Batman. Là. Donc l'éponyme, donc c'est Batman, là, la grosse pochette noire avec le logo comme Michael Keaton qui nous rappelle de tant si beaux souvenirs. Ouais. Pendant que Dom s'en va avec une gorgée de bière. 100 jours. 100 jours. C'est la 100 jours que tu as? C'est vrai, c'est la dernière en plus. Une autre adéquate encore. Ça l'achève la commandite de Lagerbrau. On va communiquer avec Jason. Ouais, ben il m'a dit qu'en fait, pour nous rendre la bière. Il est loin lui là. Il est dans le bois là, tu sais. Fait que c'est problématique de nous envoyer de la bière. Fait que la commandite de Lagerbrau va se terminer. Alors, quiconque nous écoute a envie de nous fournir de la bière. Ben ouais. On est ouvert à d'autres commandites de bière. Bon, je refasse l'intro encore. Encore, ben il va juste falloir que t'enlèves. Faudrait que j'en fasse une qui a rien dessus dans l'intro, peut-être. Puis exact. Parce que là, pour vrai, quand il n'y aura plus de Lagerbrau, on n'aura plus de commandites. Là. On s'est commencé par les Patreons. Ben, ils sont les plus importants. C'est ça. Laurent, combien de jeux as-tu terminé cette année à date? Ça, il pose la question parce que moi, je partage sur Finir des cassettes, ouais, le groupe Facebook et dans bien des choses. Que je lis d'ailleurs aussi. Là. Je pose jamais parce que je finis rien, mais moi, j'aime ça lire, Finir des cassettes, c'est le fun. Là. Oui, moi aussi, j'adore ça. Il y en a qui ont des belles plumes de critiques de jeux, fin de jeu, c'est le fun à lire. Puis là, je veux sortir... Ah, jeu terminé, je l'ai ici. Puis là, je suis désolé d'annoncer que c'est une de mes pires années. Là. J'ai occupé terminé... par d'autres choses. Là, c'est... Ouais, ben c'est ça qui se passe. J'ai terminé 13 jeux cette année. Quand même. Ouais, puis, mettons, l'année pas. Puis là, c'est quoi cette année? Là, on est rendu à mi-année, janvier, février. Ouais. On dépasse à mi-année. Là. Exact. L'année passée, j'en ai fait 29. On n'est pas si loin pareil. Mais là, après ça, on tombe dans COVID, puis là, c'est comme 50 jeux, tu sais. Mais tu te tapes aussi des gros jeux, genre Arcade Paradise, qui est comme une trentaine d'heures, puis là, exact. Tu vas faire Dave the Diver, qui va être long aussi, là. Totalement. Dave the Diver va me prendre beaucoup de temps. Alors, voilà. Donc, j'ai fait Crystalis, un peu plus long, tu sais, mais c'est toutes des affaires, ça, que je prends le temps. Mais pour vrai, je game beaucoup, là, quand même. C'est juste que je finis pas tant de jeux, puis je triche pas non plus de finir des jeux que je connais par cœur, comme je vais aller finir contre en arrivant à la maison pour faire, tu sais, ça par rapport là. Fait que voilà. Félix Baudouin Duval, avez-vous réussi à battre le Dracula de Dead Cell? Ah, j'ai pas joué à pas ça, faisable ce Chris là. J'ai pas joué à Dead Cell. Moi j'ai joué à Dead Cells et j'ai adoré Dead Cells. Par contre, le Dead Cells original, ben il y en a qu'un là, mais il y a eu beaucoup de DLC puis de choses là dedans. Et puis je me suis tout le temps. Le plus loin je me suis rendu, c'était à la chambre du roi, là, genre, mais j'ai jamais vu le roi. Je me suis fait péter dans sa chambre. Puis là, il y a eu un Dead Cells Castlevania. Donc ça, c'est très cool. Ils ont mixé les Richter, Alucard, puis... qui d'autre? Personne... Non, Richter puis Alucard, je pense, dans Dead Cells. Donc là, faut que tu... C'est un jeu, ça. Tu peux l'acheter physique, là, tu sais. Fait que là, tu joues à ça, puis je sais pas pourquoi. J'ai adoré Dead Cells, Castlevania, ma série préférée, puis j'ai acheté cette affaire-là, ouais. Je suis Retro MTL. J'ai jamais pris le temps touché à ça. Je sais pas pourquoi. Ah. Ça me fait peur, l'ampleur du projet. Il y a ça des fois. Là. Partir de quoi, t'es comme, ouais, là, c'est une boîte de Pandore qui finira jamais, là, mettons. Là, exact. Ou je vais me décourager, puis ça sera ouais, pas ouais, cool, tu sais. Je sais pas, j'ai pas fait ça. Je me suis pas rendu là. Puis peut-être, là, un moment donné, là, je vais déballer ça, mais on dirait... Puis dans Dead Cells aussi, à un moment donné, ils ont plugué Bloodstained. Ouais, ouais. Donc, Myriam, c'est ça son nom, ouais. Dans Bloodstained, était dans le jeu. Donc, si t'explores Dead Cells, là, tu seras... c'était-tu Dead Cells? C'était-tu Dead Cells? Je sais plus. Je sais pas jouer à Dead Cells, je peux pas dire. Hein? Mais il me semble que oui, en tout cas. Puis j'ai pas fait ça, parce que c'est quand... Moi, j'ai arrêté Dead Cells, tu sais. Ouais, ouais. Tu rentres là-dedans, ça finit plus, là, tu sais. Fait que voilà, c'est des gros projets. Charles Trudeau, quelle serait la durée de vie d'une cassette NES? Et crois-tu qu'une fois qu'elles vont arrêter de fonctionner, ça va perdre toute sa valeur ou ça va rester un objet de collection? Moi, je pense que ça dépend si tu la gardes dans un plastique, dans un protecteur ou pas, là, parce que c'est l'oxygène qui fait de la corrosion. Là. Ouais, c'est ça. La seule façon qu'un jeu NES peut arrêter de fonctionner, c'est la corrosion, là, I guess. Mais là, ces affaires-là ont déjà quel âge, là? Ça, ils citent, là, ces jeux-là ans, sont sortis en 85. 85, on arrive à 40 ans, là, pas loin. Exact. Puis ça marche très bien. Quand tu nettoies, y a-tu comme de quoi qui s'enlève des fois, là? Genre du métal? Il n'y a pas des morceaux de métal, non, mais il y a de la crasse. Là, t'sais. Mais ça se restaure quand tu es. Ça se restaure-tu, ça, du métal, du cuivre sur un board? Bonne question. Ouais, parce que c'est le board en arrière qui est. C'est pas le connecteur, la différence, c'est le board qui fait ça. Ah ben non, c'est le connecteur. Ce qu'il y a sur le board, c'est caché dans la cassette, ça. Le board est toujours parfait. C'est embarqué dans une le plastique. De quelque part. Exact. À moins que tu sauces dans l'eau et que ça se rentre dans un crack. Mais la seule chose exposée d'une cassette NES, c'est la connexion. Là. C'est la connexion de métal. Les connecteurs sont 12 pins qui rentrent dans exact, le exact. Les pins de cuivre. Fait que, tu sais, la cassette, à force de rentrer et sortir, ça frotte sur le cuivre. Ça doit le fatiguer. Mais le cuivre, ça pourrit pas, je pense. Ça, c'est comme. Bon, on s'en reparle dans 20 ans. Oui, ben, j'imagine que rendu là. On podcastera plus. Ou on va être sur podcast d'autre chose. On va dans le VR, là, je sais pas. On va podcaster par injection, comme on a déjà parlé. Là. Oui, exact, dans un des premiers épisodes. Mais si, est-ce que ça va perdre sa valeur si ça cesse de fonctionner? Je dirais que oui. Ça va devenir des objets, tu sais. Est-ce que l'intérêt va baisser avant que ça se mette à plus marcher, par exemple? Il y a peut-être ça aussi. Là. Je pense que l'intérêt ou va baisser. Ou il va toujours là. Avoir des collectionneurs de cassettes? Jusqu'à ce qu'on meurt, ben, nous autres, là, ça, c'est l'enjeu que je me pose. Je me pose cette question-là en me réveillant tous les matins par rapport à mon entreprise. C'est vrai que t'es à côté de quelque chose qui peut arrêter du jour au lendemain, mais ça me surprendrait là, que ça arrête. Là. Quand ben, fort, les jeux vidéo. C'est voué à arrêter un jour. Là, ouais, je sais pas, pour vrai. Est-ce que je vais voir ce jour-là de mon vivant? Je sais pas. Il va-tu avoir un ralentissement? Mais tu sais, les collectionneurs présentement que tu vois au magasin, c'est-tu des gens genre 35-40 à mon temps ou il y a des jeunes de 20 ans qui collectionnent du NES et des affaires-là? Les collectionneurs, si on les tag comme collectionneurs, sont plus âgés. Mais notre clientèle ne sont pas des collectionneurs. T'sais. Notre clientèle principale, c'est pas les collectionneurs. C'est pour ça qu'on c'est vend les gens qui reviennent plein acheter de consoles, des jeux, okay. Qu'on vend plein d'affaires. Le monde veut juste avoir du fun. Ouais, ouais. Mais les collectionneurs, t'sais, c'est vraiment ouais, pas ce monde-là cherche des affaires bien précis, bien ouais, mime. Ils veulent que ça soit mime, si ça. Fait que, t'sais, comme les cassettes, ça, un moment donné, ça parlera plus à personne. Tout ce monde-là va être mort, t'sais, au sur le bord de. Puis j'en ferai partie. Fait que, qui sait? T'sais. Mais si ça marche pas, d'après moi, ça a le moins de valeur. Tu vendras tout avant que ça arrive, ça. Ouais, c'est ça. Je m'enterrerai avec, c'ti. Dans des cassettes. Je vais me coucher à terre en bas, là. Puis il ferait sauter le building sous moi. Ça sera la fin. Rémi Chabot, pour GF, qui gagne à SummerSlam dans le combat Rhea Ripley versus Liv Morgan? Gunther versus Damian Priest et Cody Rhodes versus Solo Sikoa. Là, je veux juste dire que j'ai eu la prédiction pour la coupe et j'ai aussi bien callé les matchs du dernier pay-per-view de lutte. J'ai tout eu les bonnes réponses à date. T'as des bons calls. OK, je vais dire que Liv Morgan va battre Rhea Ripley à cause que Dom Mysterio va se revirer contre Rhea Ripley. Oh. Après ça, Gunther contre Damian Priest. Priest va gagner à cause d'une marque qui va se passer avec la Judgment Day. Fait qu'ils feront pas gagner Gunther, même s'il mérite de gagner. Moi, je l'aime, Gunther. Il est écœurant, Gunther. Je l'adore. Là. Il fait des chops, là, dans des atémis de fou. Là. Ah ouais, ouais. C'est quoi l'autre match? C'est L'autre match, c'est Cody Rhodes versus Solo Sikoa. Ah, Cody Rhodes va gagner à cause que Roman Reigns va revenir. Hmm. C'est calé. Et mettez vos bets, parce qu'on peut parier sur la lutte. Attention si vous bêtez contre je GF. Je devrais parier sur la lutte. Il a buté Vegas. Mais tu sais, comment tu peux parier sur une affaire qui t'arrange d'avance? C'est tellement weird. Je pense pas que c'est disponible au Canada, ça, par exemple. Ben, mais... C'est bettable. Là. Tu States, bêtes selon là, mais... les ce que vous pensez. Mais tu peux tellement te faire leaker facilement des infos, en tout cas. Hein. Ramenez-moi la NWO. Ah, les collectionneurs peuvent parier sur tout. Voilà. Mais c'est mon call pour SummerSlam. Ça va être un gros gala, d'ailleurs, ça. Mm. Voilà. C'est dit. Une question de Rémi Chabot, mais pour moi, quel jeu as-tu trouvé le plus dur à finir? C'est une bonne question. J'ai fini beaucoup de jeux. Peut-être que je devrais retourner dans mes listes, mais là, ça va être trop long. Mais un que j'ai trouvé, que j'étais particulièrement heureux et fier d'avoir grindé, c'est Ninja Gaiden 3 au NES, parce qu'il n'y a pas infini de continu. Ah. Et il faut que tu recommences le jeu jusqu'à ce que tu le masters. Puis attention, avec les Ninja Gaiden, chaque boss de fin a 3 formes. Et puis, si tu meurs game over au boss de fin, tu recommences pas à cette section-là. Ah, ouais, tu recommences au tout début. Ils te ramènent comme quasiment un niveau complet en arrière. Ah. Ils te repartent de fucking loin. T'as fait chier. Fait qu'il faut pas que tu meurs aussi. Faut que tu planifies ta mort. Là, parce que c'est une autre affaire. Si tu pètes la première forme du boss, puis tu tombes game over, puis tu recommences fucking loin, au moins quand tu vas revenir, tu vas recommencer à la deuxième forme du boss. Fait que c'est fucking même, là, Ninja Gaiden. Il aurait pu juste mettre des continus illimités, tu sais, puis comme rendre tout le monde heureux. Mais le 3, il n'y a pas des continus illimités. C'est pas un Game Genie. Exact. Fait que j'allais grindé. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un jeu tellement agréable et bien fait et tight que tu te rends. T'es pas malheureux de grinder cette affaire-là. Comme dernièrement, j'ai essayé de jouer à Trojan. Ah, bon. Je me dis, je vais finir Trojan. Si Kevin l'a fini, on va en parler dans le char vendredi en allant là-bas. Et puis, il l'a fini, mais man, c'est désagréable. Tu sais, c'est broken. C'est pas broken, là. Mais c'est mal fait. C'est vieux que le Chris. Fait que voilà, donc Ninja Gaiden 3, c'est quand même bien fait. Alors, puis c'est très dur, tu sais. Mais c'est pas si dur que ça, parce que c'est bien fait, alors, tu sais. Il y a Montréalais dans le chat qui dit qu'il y a un casino dans l'océan qui est prêt à prendre ton bête. Si vous allez sur des bateaux de croisière, attention au casino, mesdames et messieurs. Ils sont pas régis de donner des stats ou rien. Fait qu'ils peuvent te mettre des payouts de machines à sous vraiment bas. Fait que tout le monde se fait frauder là-dedans. Là. Ah ouais, attention, hein. Tout le monde. Oh, c'est tout. Informez-vous. Ah, moi, quand je tombe dans quelque chose, je me mets à m'informer en débile. Genre, c'est là que je cherche tout. Là, fait que c'est ça. Ouais, c'est ma vie. Là. C'est ça. Ben, c'est plaisir. Bruno Chagnon, est-ce que Papa Cassette et Jesus Crump, vous aimeriez vous faire inviter à Reims Crème? Ah, oui, mais non. Ben oui, mais je saurais pas quoi dire. Là, on n'est pas des humoristes, tu sais. Fait que ce serait un peu dur, puis le monde haïrait l'épisode. J'aimerais recevoir les Denis ici, par exemple. Ça, ce serait cool. Ouais. Surtout Barbu, là, qui est très, très gaming, puis souvent, tu sais, ça teinte leur humour un peu, le background de jeux vidéo, en fait. Là. Il y a souvent des références random à des jeux random de NES. T'es comme... Wow, ok là. Ah, totalement. C'est écœurant là. Totalement. Je sais que Sébastien est un gros gamer là. Ouais, c'est un gamer, collectionneur. Collectionneur, tout, il est dans le VR, il est dans le rétro, il fait ça d'affaires là, selon ce que j'écoute des Denis là. Exact. J'ai le forfait plus, là, Just to Buy My Love, fait que j'ai tous les extras des Denis là. Ok. Puis il parle souvent de gaming, des fois il y a des tops de gaming, fait que c'est très cool là. Mais ouais, y aller là, je serais intimidé un peu, je pense là. Ouais, je serais intimidé aussi. Mais... Parce que j'irais tout le long aussi là, c'est. Ouais. Ben, je pense que je serais capable de dire des niaiseries. Ouais, même aussi, un là, peu, je, mais c'est pas capable. À leur level, là, c'est des professionnels. Là, c'est, mais... assez, c'est assez niché leur affaire. Là. Mais moi, Denis Barbu, man, j'ai essayé maintes fois de l'inviter chez Arcade MTL pour des événements. Puis là, j'oserais pas l'inviter ici parce que. C'est parce que ça leur amène rien. Ils ont d'autres choses à faire. ça nous aimerait à nous autres, mais pas à eux. Là, pour exact. Nous ils s'en calissent bien. Là. Ils peuvent pas répondre à tout le monde. Dire, ouais, peut-être qu'ils t'écoutent, je vais par exemple. Je sais pas. Ben, peut-être. Puis je serais honoré. Ah, puis, moi aussi, de là à aller reacher et essayer, je sais pas. Exact. Ben, peut-être qu'ils écoutent. Des fois, ils likaient des publications que je faisais. Ah, c'est cool. Bienvenue chez Retro MTL. Fait que, tu sais, on a transigé ensemble. Comme dans ma face, il était là. Puis tout. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il check un peu, mais là aussi, il doit être pas mal busy. Fait qu'il passe pas sa vie à écouter c'est des ça, affaires. C'est ça, là. Ou aller sur des shows hauts. Tu sais, quand tu t'en vas, genre, à sous-écoute, sans arrêt, venez ici, je sais pas trop si ça l'intéresse. Ben, t'es payé, là. C'est ça, ou en plus, là. On pourrait payer à la bière, là, mais ça serait tout. Là. C'est comme un rêve. Là. C'est une bucket list d'avoir Denis Barbu ici. Là. On va lancer ça dans l'univers, puis on va demander à nos auditeurs d'essayer de faire du pressing. Fait qu'un auditeur qui connaît quelqu'un qui connaît Denis, là. Ben Denis, Sébastien. Sébastien. Les Denis. Ben, ou Vincent aussi, ça. Ah, tout le monde. Mais Just a Buy. Just a Buy, ouais, c'est ça. Marc-André Fleury. Nom de goaler. Exact. C'est écœurant. Julien Leroux-Garot. D'après vous, quel est le... À quel point la retraite de Miyamoto va changer Nintendo ou ses futurs Mario, Zelda et Donkey Kong de ce monde? Miyamoto, Chris, sous quelle roche de vie est-ce que Miyamoto a annoncé sa retraite? J'ai pas vu ça non plus passer. OK. Mais il parle du futur. À un moment donné, il sera plus capable. Je pense que non, ça va pas affecter. Je pense que les codes. Il doit préparer la relève. Oui, mais les codes de Mario sont très établis maintenant, là, comment ça marche. Un jeu de Mario Bros. Fait, ouais. Je pense pas, là, il doit avoir une bonne relève aussi, comme tu dis, là, la star. Là, ben, ils n'ont pas le choix. Eux autres sont pas caves. Ils préparent ça. Ils ben savent oui, bien qu'il n'est pas éternel, Miyamoto. Là, fait que ça l'ancien président de Nintendo qui est mort aussi, à un moment donné. Là, fait que c'est sûr que tout est prêt là, pour ça. Là. Exactement. Fait que tout est prêt. Et puis, ils vont trouver un brain qui est capable de faire de quoi. Mais certainement, est-ce qu'ils vont retrouver quelqu'un d'aussi créatif et enfantin? Ouais, c'est peut-être plus et ça. Et avec l'esprit volatile de Miyamoto, il y a juste un Miyamoto, tu sais. Mais est-ce que son départ ou sa perte ou sa disparition... Ça mettra pas Nintendo à terre ni Mario Bros. Non. Je peux vous garantir que ces gens-là checkent leur shit en tabarnak. Ouais. Mais ça va-tu changer les jeux? Ben, comme tu dis, c'est des recettes établies, tu sais, je pense pas. Ils vont trouver d'autres services. C'est le nouveau, le Mario Wonders, là, l'implication de Miyamoto là-dedans est à quel point? Je sais pas. Je sais pas, là, pour vrai, je me suis pas renseigné, là, fait Ben, je sais pas non plus. Puis c'était un bon Mario. Fait que c'est un excellent Mario. Que j'ai pas fini. Moi non plus. J'ai fini par arrêter. Comme avec tous les jeux que tu peux jouer. Je vais revenir dedans, maintenant. Alan Bernard, ça a l'air que la main de Dieu qui a fait dévier le bullet visant Trump. Moi, je pense qu'il est passé de bord en bord entre les deux oreilles, mais il n'avait rien pour l'arrêter. Ça, est maintenant le martyr de l'Amérique. Bref, tout lui semble lui couler comme sur le dos d'un canard. Les juges conservateurs lui retournent le balancier en reportant ou en annulant ses procès et ils en rajoutent en lui donnant les pouvoirs divins s'il commet des crimes à son prochain couronnement. Pendant ce temps, son principal adversaire meurt à petit feu. Comment voyez-vous les quatre prochaines années si le clown remporte les élections américaines? Il va passer probablement. Ben oui, à cause sûr. De ça, là, justement. Là. Exact. C'est un martyr maintenant puis il va passer. C'est sûr qu'il va passer. Il n'y a pas d'opposition. Il va crever en poste, lui, avec. Là, comme un des deux, peu importe qui passe, va crever en poste dans les quatre prochaines années. Là. Donc, par assassinat ou par vieillesse. Mais tu sais, je veux dire, moi, je veux pas que personne ne meure jamais. Là. Même Trump, son esti débile, il ne mérite pas de mourir. Mais calvaire, là, vous auriez pu ne pas le manquer. Non. Mais c'est toute affaire. As-tu vu les vidéos? Il y a du monde sur TikTok, genre, comme qui filme le gars en train de tirer sur un toit. Les services secrets sont... comme pas là. OK, tout ça, OK, non, j'ai... Tout ça est complètement débile, genre comme, what the fuck, leur service secret, là. Genre, le monde en foule qui filme le tireur qui va se placer sur le toit, genre, sacrement, là. Hey. Mais c'est catastrophique, man, puis je peux pas croire. Ah, il dit, Milter, il dit que les sondages disent le contraire, là. On verra, en tout cas, on peut rien faire, on va juste subir ce qui va se passer, là, puis encore subir, c'est pas notre pays, là, de toute façon. Là. Non, mais on était assez proche pour en subir les contre-coups, certainement. Oh ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, quand Pauline Marois est devenue première ministre. Ça, c'était fou, là. Ça c'était. Ben, puis il y a eu ça. Puis, mais bref, il y a du monde dans mon entourage qui était inquiet de Pauline Marois pour le Québec. Là, ça aurait pu être la meilleure affaire. On là, vit dans une bulle, man. Vous vous rendez pas compte de la violence, tu sais, puis du déchirement qu'il y a aux États-Unis présentement, là. Ah, c'est un pays brisé, là, complètement. Oui, là. C'est brisé. C'est honteux. Complètement. C'est honteux de voir ça. Ça a pas d'allure, tu sais. Comme ils savent plus. Ils ont perdu le contrôle, tu sais, puis. Mais ça fait partie de l'histoire des States d'être complètement déchiré, fragmenté en deux, les États-Unis, tout le temps, là. Ouais. Le Nord contre le Sud, là, c'est genre le démocrate, républicain, ils sont tout le temps, genre. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est t'es d'un bord ou t'es de l'autre. T'es en haut, t'es en bas, à gauche, à droite. Mais c'est, exact. C'est fou, là. C'est... Ah non, c'est très polarisé, là. C'est très intense. Puis comme tu dis, ça a tout le temps été de même, en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce que les Anglais à Londres sont comme ça? T'sais? Non, mais ils viennent de là. Je pense que c'est parce que c'est tellement un pays vaste que ça a comme pas le choix, là. Ouais. Puis t'as tout le genre de centre des États-Unis qui est une place weird, là. Tout le monde dans le centre est bizarre, là. J'ai pas assez voyagé pour le constater. Mais tout est en tout cas, là. Mais bref, en tout cas, laissez-moi vous dire qu'ici au Canada, on est bien relax. J'étais à Vegas. Malgré tout ce qu'on voit. J'étais à Vegas quand j'ai vu ça. C'est mon alibi. C'est pas moi qui ai tiré. Mais ouais, comme dit Milton. Puis là, c'est divisé par deux fêtes. Enfin. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est ça. Mais tu sais, s'il y a un peuple fier de ce qu'ils sont, c'est bien eux, là, tu sais. Ouais, à outrance, là, genre ça, des gros drapeaux, puis je sais. Ouais, mais c'est admirable, tu sais. Ouais, si nous autres, on l'était le moindrement, si on serrait les coudes, puis on bâtirait quelque chose. Mais en même temps, on se déchirerait pas autant ici au Québec, tu sais, comme. Tu sais, oui, il y a des choses, mais on. Il n'y a pas des tueries, ce là continuellement. On ne s'affiche pas fier du Canada parce que le Canada nous haït, là, le Québec, souvent. C'est souvent ça qui sort dans les médias et dans la population générale. Que le Canada haït le Québec. Ouais, parce qu'on voulait se séparer, on voulait être en référendum, puis tout, puis ils nous haïssent, là, le Québécois. Là. Exact. Ben, on... La péréquation, on vous donne de l'argent. Non, c'est... Mais malgré tout ça, tu sais, comme. Moi, je l'aime le Canada pareil, même si je suis très, très, genre, souverainiste dans l'âme. L'aime mon Canada quand même. Ah oui, oui. Mes rocheuses! J'ai aucun beef avec quiconque du Canada. Ben non. Sauf ceux-là qui m'haïssent parce que je suis un Québécois. Est-ce qu'on aurait pu faire un pays au Québec et réussir? Selon moi, oui, tout à fait. On a tout ce qu'il faut. Exact. Est-ce que c'est problématique d'être Canadien? Non, pas du tout. Là. Non, pas du tout. Puis est-ce qu'on ferait un pays dans la haine et la rancœur, genre pour se séparer parce que, tu sais. Ben, pas du tout. C'est pas, ouais, c'est pas parce c'est parce qu'on a une même. C'est t'sais. Pas parce qu'on haït le Canada qu'on veut se séparer. C'était parce qu'on a une identité propre et qu'on est un peuple séparé. Là. C'était plus exactement. Ça. Exactement. On est les Gaulois du Canada. That's it, là. Mais on est d'origine française. Française. On n'est pas d'origine anglaise. Puis il y a une différence. T'sais, la France puis l'Angleterre, c'est deux pays très distincts. Le Canada, c'est l'Angleterre. Puis le Québec, c'est les guidounes de la France là, qui sont venus, les filles de joie qui nous ont. Ben, c'est ça pareil. On est fiers de nos filles de joie. Ah oui. On est les Français du Canada. Ben oui. Fait que voilà, tu sais, c'est pas par haine. Là, ouais, t'sais. Milton, il disait la plupart des Canadiens nous aiment pareil. Ouais, effectivement, là, ben, je fais de la généralisation, c'est souvent parce que c'est exact. Ce qui ressort le plus. Parce que bien sûr, c'est le monde qui perd du temps à chier, tu sais. Ceux qui nous aiment pas sont. Hey, la mouche est posée sur mon sourcil. T'es allé direct, c'est toi. Ceux qui nous aiment pas sont mal éduqués au Canada. Ben, comme ben des gens. Exact. Montréalien qui est de l'Ontario. Bien sûr, Eric qui est un franco-ontarien, alors il nous rappelle toujours qu'on est tous pareils. Tu sais. Moi, je dis, on n'est pas tout à fait pareils, mais on n'est pas différents dans la haine. Non, tu sais. Moi, je l'aime, Eric, là, fait que genre, puis il vient pas du Québec. Là. Exact. Fait que, mais moi, je continue à croire qu'il y a quand même une certaine différence entre les francophones et anglophones, qu'ils ben, soient en Amérique ou qu'ils soient violente. En Europe. Aux États-Unis, c'est bien plus violent que c'est ici. Entre eux, oui, oui. Exact. Nick Lachapelle, le gars de la balle molle. Comme Capcom, on le ça vend... Ça va prendre un sound effect de genre de... Tu sais, un bat qui une balle quand c'est lui. Là. Hey, là, il va falloir se dépêcher. Ben oui. Comme Capcom, on le vend dans les voiles en enchaînant les succès. RE Remake, Street Fighter... Resident Evil Remake, Street Fighter 6, Monster Hunter. Quelle franchise de leur catalogue aimeriez-vous voir renaître avec une twist moderne? Stylé. Et hey, là, je vais googler ouais, j'ai pas de Capcom franchise. Puis je suis deux bières down avec une journée de moins de sommeil. Là. Moi aussi, man. Je bave, si. Hey, Milter qui dit c'est facile d'être violent quand t'as des guns en surprise dans tes céréales. C'est un gros autre débat, là, leur affaire de droit de possession d'armes, là, mais en tout cas. Là, tombe pas là-dedans. Ici, Power Stone. Mais c'est pas quelque chose que je connais vraiment. Ghouls and Ghosts, ils en ont fait un dernièrement. Qu'on a joué un petit peu l'autre fois chez Fred d'ailleurs. Je sais pas si t'es encore présent. Ah, j'en voulais un bon. Final Fight. Ah, voilà. J'aimerais ça qu'ils fassent un excellent nouveau ouais. Final Fight. J'embarque. Ah, man. Je serais là, là. Ça serait vraiment hot. Bon, Mega Man, c'est pas original. Ace Attorney. Ah, Bionic Commando. Je serais down pour un bon Bionic Commando. Mmh. Ça, c'est sûr. Dark Void, ça a chié. Il devrait peut-être reprendre ça. Gargoyle's Quest, man. Wow. On serait-tu dû pour une suite de Demon's Crest au Super Nintendo? Imagine. Je pense que oui. Okami, ça pourrait être intéressant. T'en as parlé tantôt, en plus. Star Gladiator, qui est un de mes jeux de fighting les plus underrated de tous les temps. On serait dû. Mais Final Fight pour moi. Ouais, je rembarque là-dedans. C'est notre gros call. Rob Rob, salut les Big Boys. La question s'adresse à Daddy Cartridge. J'aimerais avoir ton opinion. Es-tu au courant de la situation sur les démêlés judiciaires entre le Bar McFly et le Vox de Québec pour concurrence déloyale? Merci, j'adore votre podcast. Donc, je me suis posé la question si j'allais parler de tout ça sur le show en introduction. Juste pour expliquer aux gens, puis là, il n'y a aucune opinion là-dedans. Je fais juste dire ce qui s'est passé. Ouais, les situations qui se passent là en ce moment. André qui réparait les machines du McFly, qui était, c'était pas son employé, mais c'était un wizard, un sous-traitant. C'était un wizard, tu sais, et tout ça. Et puis qui a la chaîne Arcade Moisson, allez voir ça. Ah. Excellente chaîne. Puis il y avait une waitress, une barmaid, une employée du McFly. Donc, André et cet employé-là se sont mis ensemble et ont ouvert un bar arcade qui s'appelle le Vox, juste à côté du McFly, comme pratiquement à côté, là, à Québec, là, dans Saint-Roch. Là. Et puis, ça fait quand même de ça 3 ans environ, sous toute réserve. Mais ça fait quelques années, là, j'ai vu que le Vox ont célébré leur anniversaire. Puis là, dernièrement, maintenant, ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps, le McFly poursuit le Vox pour concurrence déloyale. Fait que c'est ça qui se passe. Mm-hmm. Puis, tu sais... Il faudrait qu'ils commencent par réviser leur loi de savoir c'est quoi de la concurrence déloyale, ce que ce n'est pas en ce moment là, du tout, là. Ben, en effet, c'est de la concurrence. Mais ce n'est que la concurrence, mais c'est pas déloyale. Mais pas déloyale. Mettons qu'il avait appelé son nouveau bar le McFly 2, là oui, c'est de la concurrence déloyale. Quand tu essaies de faire une pause pour amener les gens dans ton côté, c'est plus ça. Là, c'est... Ouais, mais je peux comprendre le McFly par contre que ces deux personnes-là étaient à l'interne au McFly, puis là, qui pourraient prendre... T'sais, des idées ou des affaires, puis ouvrir leur affaire direct à côté. T'sais. C'est comme si je m'en viens là, puis je m'ouvre un magasin de jeux rétro, puis j'appelle ça « On vend des jeux rétro ». Exact. Mais tu peux pas me poursuivre pour ça. Genre. Non, je ne peux pas. C'est ça, c'est de la concurrence. À moins que j'appelle ça « Rétro MTL Plus ». Si un de mes employés ici quitte... Ça te ferait chier, là, c'est et sûr. Et ouvre une business de cassettes à deux coins de rue et fait une bonne job, puis que ça fait perdre des ventes, t'sais, ça me ferait chier. Fait que voilà. Mais tu pourrais pas avoir de recours judiciaire contre ça. C'est plus ça que je veux dire. Là. C'est... Ben, peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce que le McFly essaye de faire présentement. Alors, voilà. Si vous voulez juste voir tout ce qui s'est passé avec ça, il y a un article du Soleil, donc qui est un journal de la ville de Québec, qui passe tous les arguments là-dessus. Ben, les arguments, qui explique l'histoire. Fait que l'histoire est là, sur Internet, vous pouvez aller lire ça. Mais moi, je veux pas, tu sais, commenter ou dire qui a raison ou qui a tort. Ben, faites comme moi, écrivez l'histoire dans ChatGPT puis demandez si c'est de la concurrence déloyale et vous allez avoir la réponse selon la loi. Parce que je suis très... J'ai une belle relation avec André. Je connais pas sa partner au Vox. Puis voilà. Puis, tu sais, j'ai pas de mauvaise relation avec McFly. Quoique, à l'ouverture d'Arcade MTL, tu sais, il nous tirait à pipe un peu. Puis, tu sais, sur un podcast que j'avais fait à l'époque, j'avais tenu des propos qui avaient mal pris, tu sais. Puis, que comme on s'était mal compris, fait qu'on a eu un petit démêlé, là, il y a plusieurs années. Mais moi, je voulais pas rabaisser son affaire. Fait qu'on s'est mal compris. Mais j'ai pas de beef avec lui, je pense. Fait qu'il fait ses affaires. Toi avec lui, fin. Non, lui avec toi, on sait pas. On le sait pas. On s'en fout. Je saurais jamais, je vais pas poser la question. Ben, mais moi, à base, j'essaie de pas avoir de beef avec personne. Ben, quand il y en a, j'essaie de régler. T'as déjà assez de gars de construction qui te gueulent après. Exactement. Chez vous. Exactement. Fait que ça, c'est mon nouveau beef qu'il faut que je règle bientôt. Fait que tu sais, moi, j'ai pas le temps pour des beefs. J'essaie de les régler. Puis je suis une personne très parlable. Fait que bref, je vais pas dire. Faites-en votre propre opinion, là. Ben, c'est ça. Allez lire là-dessus. Alors, allez sur Reddit, lire les commentaires par rapport au McFly. Checkez vos affaires. Simon Moreau, pour papa. De tous les Street Fighter. Désolé, JF, tout le monde est pour papa. Ben, c'est ton show, on est chez vous, là. Ouais, mais t'es là. Mais tu peux. Tu réponds à tout aussi, là. Je commente, là. De tous les Street Fighter que tu as essayé, lequel des Chun-Li est ta version favori? Pour papa et JF, quel lutteur vous avez toujours détesté? Ben, je vais commencer par ma Chun-Li. Pour vrai, moi, j'aime ma Chun-Li old school parce que les nouvelles, je les maîtrise pas toutes. Third Strike, je contrôle pas. Tu sais, comme. Fait que moi, ça me prend une vieille Chun-Li, là. Pas parce que c'est celle que je maîtrise le plus. Puis moi, ma force, c'est de l'anticipation. Comme, à force de jouer avec quelqu'un, je catch qu'est-ce qu'il va faire. Fait ouais, que ouais. Je pratique. T'sais, je m'ajuste, mais c'est tout. Puis là, les nouveaux Street Fighter, Third Strike en montant, Third Strike, c'est quand même vieux. C'est trop, là. J'ai pas acquis ces skills-là. Alors, old school Chun-Li. Corbin Dallas en chess. Ça trop, finit c'est plus. Trop long, notre je dois aller ma... Je dois y aller, ma douce, matin pour la douche, Colin. Il est bien. Il y en a qui sont bien. Salut, Corbin. Et puis, Corbin nos hommages Dallas. À ta douce... Nos hommages à ta douce et Madame Dallas. Que le bonheur règne dans votre foyer. Donc, deuxième question pour Jeff et papa. Vos lutteurs qu'on a toujours détestés. John Cena. Ah, pour vrai? Je le déteste comme lutteur. Ah, j'apprécie ouais. sa carrière, je respecte son tout ce qu'il a fait, mais le voir lutter, je l'haïs. Je trouve pas un bon lutteur. J'ai pas assez d'expérience en lutteur récent pour. Ben, j'ai jamais vraiment aimé son style. Mm-hmm. Fait que, c'est un hot take, ça, là. Ouais, hein? Mais moi, ben... Tu sais, c'est les vieux qu'on se crissait de... Ah, oh, ben oui, là. Lex Luger, moi, oh, man, j'ai jamais trouvé que c'était quelqu'un là, qui méritait non, ouais, d'être ouais. élevé au stardom. C'est là. Le vicious, genre, ce monde-là. Là. Ouais, c'est ça. Même Yokozuna, c'était un monstre, là. C'était intéressant. Ben, il y a eu des bonnes runs, mais pour vrai, moi, Lex Luger, c'est comme arrêtez de me pousser du Lex Luger dans la gorge, là. Il est donc bien de la merde. J'ai déjà rencontré Sid Vicious, d'ailleurs, quand j'étais arbitre. Il avait lancé Dave la soirée du podcast dans full. Du ring dans full. C'était incroyablement débile, mais ouais. Comment laisser quelqu'un qu'on ne voit pas? John Cena. Bravo, Milter, pour le commentaire. Bravo, en effet. Fait que, ouais, moi, ça va être ça. Ça va être fucking Lex Luger. Voilà. David Lescaut, question pour GF. Tu as lutté dans quelle fédération et qui t'a entraîné? J'aimerais savoir si tu luttais sous quel nom et quelle est ta gimmick. J'ai fait une coupe de fédération, je me suis promené, mais j'étais principalement à la MWF, donc la Montreal Wrestling Federation. Et c'est Marc le Grizzly qui m'a entraîné, qui a entraîné plein de gars qui luttent en ce moment, là, des vieux de la vieille. Là. Nice. Bravo. J'ai entraîné avec Frankie the Mobster, pour ceux qui connaissent ça aussi. Là, c'est du monde que je connais, tout ça. La belle époque. De Narcissist, ouais. Ouais, le Zombie Milton dans le chat, il nous parle de Narcissist mais pour c'est Luger, Luger, mais moi, je préférais de Narcissist avec son miroir, là, tu sais. Puis j'aimais beaucoup Triple H, tu sais, avec son look, tu sais, comme Renaissance. Ah là, ouais, pas quand il faisait Hunter Hearst Hemsley. Exact. Ça, j'haïssais pas ça du tout. Ça, c'était cool, là. Puis David Lescaut nous disait continuez votre bon travail les boys, votre show est excellent, j'ai l'impression d'être en chum durant l'écoute. Merci cool, beaucoup c'est David. Un peu le but aussi là. Exact, très gentil. Stéphane Talbot, salut les boys, qu'est-ce qui vous fait triper le plus à part faire ce podcast là et pour continuer dans la vibe du dernier épisode, quel est votre épisode préféré de Robin Stella? Asti. Ok, l'épisode avec l'ombre noire. Hey, moi, je pourrais rien dire. Là. J'ai que oublié. Robin, c'est là, il est dans la ville, il y a genre une ombre noire qui rôde, puis là, ils finissent par découvrir que c'est le voisin qui projette ça, puis qui essaie de faire enlever les jeunes de son terrain. L'ombre noire. Checkez ça sur YouTube. Aïe, aïe, man, c'est dark as fuck. Là. C'est dark et loin, mais tout ce qui implique aussi l'oncle Darius puis les Rapidotrons, moi, je capote. Là. Ah ouais. Juste le nom de l'oncle Darius. Qui était le gars qui le petit gros dans Pimpon, là. Je sais pas son vrai nom dans la vie. Là. Ouais, ouais, je sais c'est qui, en effet, le gros dans Pimpon. The IRS. Moi, je l'aimais bien pour répondre à Milter, The IRS. Puis j'aimais Money Inc. avec Ted DiBiase. Là. Ben, je trouve que le IRS, oui, il était pas coloré, il y avait pas tant de personnalité, mais c'était, l'idée était intéressante. Puis le gars, taxes, était... Ah, il était immense. Ah, il était cut, là. Qu'il était gros. Sa chemise, il pétait sur le corps, là. Ça met des petites bretelles, ouais. Man. Le look était on point, là, du IRS. Ah, il l'avait, là. Il l'avait, ben. Cravate rouge. Fait que moi, je pourrais rien dire sur Robin Stella. Et puis, qu'est-ce qui me fait triper à part le podcast? Hein? Ben, beaucoup de choses. La vie. Toi, cuire de la viande. Cuire de la viande. Dépenser ouais. mon engin et ma chenille sous. Mon la, gars. La bière de micro, mes ouais. enfants. L'hockey. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je check beaucoup. L'hockey, la lutte. La aussi, programmation, j'aime ça aussi. Les chars, j'aime les chars. Ouais, la programmation, bien sûr. Mon terrain, j'aime ça, ma cuisine de maison. Ça, je trouve ça le fun. Ouais, ouais. Les chars, moi, c'est quelque chose que j'aime ah, bien. Pas tant, moi. Ça va revenir, ça, un moment donné, quand je vais avoir de l'argent. Avec ma Corolla Cross. JP Gauthier, prise 2. On n'avait pas compris du tout son commentaire au dernier épisode. Ton avis sur Bloodstained Classic 2? Dominic's Curse. OK, Dominic, c'est un personnage. Là, il a donné un lien sur YouTube. Fait que je vais juste très, très vite... Ah oui, Dominic est un personnage de Curse of the Moon 2. En effet. Ok, Dominic's Curse. My God, man, j'étais pas au courant de tout ça. Je vais devoir checker ça. Ah oui, parce que Bloodstain avait fait une version classique. En effet, il y a un bout qui était comme un Castlevania 2D, là, tu sais. Wow. Puis là, je pense que ce qu'il parle, JP Gauthier, c'est la suite. Ah, exact, c'est la suite de ça. Moi, j'avais trouvé ça convenable. Ce 2D Bloodstain-là avec... ben, ça devait être avec Myriam, le premier. Mais là, c'est avec Dominique, je comprends. Alors qu'ils fassent des 2D Castlevania-ish avec Bloodstain, mais pas au look pixel, mais au look moderne. Je trouve ça très convenable. J'avais aimé le premier. Alors, man, tu viens de me faire comprendre ce qui se passait et je vais aller checker ça. J'ai pas joué, puis ça m'intéresse. Mais deux qui disent tu tripes tes vidanges aussi. Bon, pour vrai, les vidanges, c'est pas mal réglé. Là. Je les garde en dedans à cette heure. Que, voilà. Benoît Landry, y a-t-il une console en particulier pour laquelle tu as un coup de cœur pour son visuel design de la console elle-même? Un esti de bel objet. La Ouya. Ouais, un petit cube. Un petit cube, tout ce qui est carré, petit cube. Là. Moi, la Nintendo Wii, man. Je continue à dire que c'est un... Moi, j'aime les affaires minimalistes, simples, des lignes droites, épurées. Moi, c'est j'aime beau, ces Wii, affaires-là. Hein. Parle-moi pas d'une PS5, ah, c'est, man. Laid. C'est dégueulasse. C'est laid, ça prend de la place. J'aime mieux la Xbox One, la première, tant qu'à ça. C'est ouais, un ouais. Bloc. La Scorpio, machin. Un beau bloc, là. Moi, j'aime les blocs. Moi, c'est comme juste un cube, c'est un cube qui moi, j'aime ça. Là. Le moins, le mieux, tu sais, ouais, dans ouais, le design. Comme dans le design, ouais, ça. Exact. Fait que pour moi, la Wii est absolument magnifique. Puis Milton dans le chat dit l'Amico. L'Amico est tout le contraire. L'Amico est dégueulasse. Elle est full cheesy. Là, c'est une catastrophe. Est-ce que notre hype de l'Amico est terminé, là, officiellement, ou c'est... Ben, l'Amico... C'est une joke, pareil, là, mais... Télévision, Amico, on a changé la page pour Amico, ouais, maintenant. Ouais, j'aime ça, fait là. C'est fait ça. Que tout ça va juste... On l'avait dit la dernière fois, sans le tag Intellivision, ça devient une cochonnerie d'AliExpress, là, fait que c'est ça. Comment faire mourir quelque chose qui est déjà fucking mort, là, tu sais? Mais toi qui dis qu'il est plus angle droit que courbe sur ses consoles, je suis... Ah, moi aussi. Ben, c'est d'accord, là. Dans les appareils... Faut que ça coupe sur le côté, là. Ben, angle droit... Pour moi, c'est angle gros, beau, ouais. Oui, dans toutes les, même dans mon design personnel, moi je suis très comme droit, j'aime les lignes droites, ouais. Là, tu sais. Philippe Roberge, salut JF, salut papa. Hello. Question collection. Lorsque vous collectionnez des jeux pour une console X sans faire le full set, est-ce que vous gardez seulement les jeux que vous aimez, les jeux qui valent cher, même s'ils ne sont pas de votre goût, ou vous les ramassez tous pour en avoir le plus possible? Merci de votre réponse, je suis rendu à faire un petit clean-up dans mes affaires. Bon show, bonne gorgée. Mes jeux que j'aime, Philippe moi, Roger, dans mon cas. Là. Philippe Roberge, qui était ex-propriétaire de la shop de bière à Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, ouais, alors, j'espère que tu as bonsé, Philippe, et que tu es heureux professionnellement ben aujourd'hui. Oui. Sache que j'ai encore ton verre en plastique et que je l'utilise pour boire dans les parcs et dehors et tout ça. Hey, on peut maintenant boire dans les parcs à Longueuil. Oui, bravo Longueuil. Ben oui, grâce à la mairesse, ben oui, ça, la jeune mairesse, être party. Madame puis, Fournier, on l'adore. Puis elle a un podcast qui s'appelle Poney pour un petit ouais, pain. Tu si, ça va, oui, ça, voilà. Alors c'est allez vrai. Voir ça. Fait que pour répondre à tes questions, moi personnellement, si j'avais à collectionner une console sans en faire, sans tenter le full set, ben c'est un peu ce que je fais avec la Switch présentement. Donc que les bons jeux que j'aime, que j'ai envie de jouer, tout ça. Et si ça adonne sans payer le full price, que je tombe sur un jeu qui vaut cher dans la nature, ouais. Ben, je vais l'acquérir et le garder. Mais est-ce que, sans faire un... Mettons, on va revenir au NES. Là, sans faire un full set NES, est-ce que j'achèterais un jeu que j'aime pas à 2000$ rien que pour l'avoir? Non. Mais si je le trouve à 500$, maybe que je vais le faire, tu sais. Tu peux leur passer à vrai plus cher. Là. Exact. Ça devient comme un investissement ou ça devient comme une petite belle pièce pour pas cher. Ben, pas cher. 500$ aujourd'hui, c'est cher. Mais, tu sais, voilà. Bon, on va baisser le niveau. Est-ce que j'achèterais à 20$ un jeu qui en vaut 100$ mais que je trouve que c'est de la merde? Oui, parce que j'aime ça dans la collection. Ouais, sinon, ouais. Ça serait tous les Mega Man, tous les Castlevania, tous les jeux de Natsume, puis voilà, tous les jeux que je trouve bons et tout ça. Mais il pourrait aussi avoir au travers de ça certains jeux pas bons, mais que j'aime de nostalgie. ben Yubili, mettons. Tu sais, des affaires comme ça. Ouais, ouais. Fait que je m'enlignerai là-dessus. Faudrait que je parte mon full set des Simpsons à un moment donné, pour vrai. Là. Ah ouais, Milter, là, Milter dans le chat, il en faisait un. Je sais pas s'il continue, là. J'en ai plusieurs déjà chez nous, là, mais ouais, là, je regarde ça. Là. Ah ben, tu pourrais. T'es pas sorti de l'auberge. Non, je sais bien. C'est pas tous des bons jeux non plus. Dernière question de la soirée. Oh. Après, on ferme la question. On est fatigué. Simon Faubert, ton top 3 des arcades à ton bord. Envoyez donc un petit top. En hommage à Retro Nouveau. Des tops. Des tops, tout le temps des tops. Pas les cigarettes, non. Là. Les énumérations. Ben oui. Pour moi, une arcade pas populaire, mais que j'aime beaucoup, c'est Super Contra. À chaque fois. Puis, tu sais, c'est mes arcades, là, je les connais. On l'a fait à deux, mais ça m'a donné là, des années Super Contra ensemble. Là. Exact. Puis à chaque fois que j'y vais et que Kevin est là, c'est sûr qu'on joue. Ah, c'est ouais. Sûr qu'on le finit. On le finit toujours. Fait que ça, c'est un rituel. Fait que pour moi, Super Contra est définitivement un must. Sinon, j'aime beaucoup les vieilles machines. J'aime beaucoup notre trio. Millipede, Centipede et Missile Command dans la même machine, mais je joue toujours à Centipede. Ouais, ouais. Puis Robotron. Missile Command, c'est tough. Là. Ah, c'est tough. Je vais aller chez nous, c'est difficile. Là. Ah, c'est vraiment tough. Puis non, pour vrai, moi, je me garde... Centipede, j'aime ça aussi, pour vrai. Top 5 des tops. Les Crevenés. les tops, les cigarettes. Hey, un Elga, turfer, la chat. Casquette kaki. Salut, papa. Ben, salut, Elga. T'arrives, puis on s'en va. Là. On va te mettre feature, au moins. On finit. Ouais, on feature les commentaires. Fait que, voilà, Robotron, bien sûr. Mais c'est ah, des, Robotron, ouais. C'est des games courtes. Mais, ouais, c'est dur, là. C'est... Exact. Mais, tu sais, mettons, on a les Simpsons. On a les Turtles. C'est des hosties de belles machines. Mais on se tanne un peu de jouer à ça. Miss Pac-Man, c'est ça. Moi, j'ai Galaga, Donkey Kong. J'aime ces affaires-là. Et puis Street Fighter 2, bien sûr, pour quiconque veut me battre. Et puis, il y en a peu qui sont arrivés ah ouais. À date, là, vraiment. Là. Puis, il y a eu des soirées où est-ce qu'il y a du monde random. Ils nous voient jouer, moi, Nick Lachapelle, puis fucking Zeph. Si on se bat comme des malades. Puis, il y en a qui embarque, puis là, ça devient fou. C'est pas un trio facile à battre, ça, vous trois, là. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'était Zeph et Nick, là, c'est dans les tops, là. Ah ouais, vraiment. Mais je les tenais à Street Fighter 2. Ah ouais, t'es très bon aussi. Là. Fait que, mais, puis Crazy Taxi. Pour vrai, faire un bout, je peux aller. Crazy Taxi avec... Attends, je peux aller, je me rappelle même pas qu'il y avait ça. La musique d'Offspring, puis Battle Tellement Legend. Bon, ce jeu-là. Absolument. Alors, voilà. Ouf, my God, on a dépassé de 40 minutes. On va mettre la Messieurs Jeff, je sais pas si tu voulais qu'on finisse tôt. On pas dormi. Oups, ça se peut. Ça laisse digérer la bière de Lagerbrau, alors des bières adéquates, encore une fois. Voilà, musique de finition pour se finir. Oh, c'est moi, Blastman qui a été là de A à Z. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. C'est trooper. Très apprécié. Là, on a un spectacle... Je pense qu'on a une pause parce qu'on est en vacances. Le prochain spectacle aurait été le 24... pas le 24. Il n'y a pas de spectacle la semaine prochaine. Il y en aurait eu un le 31, mais je serai en vacances. Alors, là, il va se passer quelque chose. Il y aurait un petit trou, là. Ouais. Il y a parce que le 31, je suis pas là. Ça aurait été le spectacle. Le 7, pas disponible. Fait que le prochain show serait le 14. Mais là, on a parlé qu'on pourrait enregistrer le Garden Party. Pour vrai, il y a un document Word qui existe du Garden Party présentement. On a commencé à regarder des trucs. On sait pas ce qu'on va faire vraiment encore. Mais faut qu'on en parle. Faudrait qu'on se book une heure sur Teams, quelque chose, qu'on s'appelle, puis qu'on regarde ça. Là. Exact. Mais on pense faire un genre d'épisode spécial Garden Party qui serait en remplacement d'un épisode qu'on va manquer, mettons. Là. Exact. Il serait enregistré pas live. Samedi le 10, mais diffusé comme normalement. Le 14 mercredi, ou le 15, le 14 ou le 15 dépendamment si je suis capable de le si je peux le monter comme il faut parce que c'est ça en fait dans cette semaine là on va essayer de filmer quelque chose qui aura des segments là, qu'on va se parler mais dans mon gazebo devant le barbecue whatever faire des trucs le fun puis on va vous monter un petit show spécial si possible exact si possible fait on essaie fort là, en ce moment on travaille là-dessus là. Fait que là c'était le dernier épisode avant le 14. Fait qu'on a quand même une, deux, trois semaines de break. On est comme off un mois là, au moins. Puis celui du 14 serait probablement préenregistré. Si c'est le cas, je vais le diffuser live comme on fait un épisode, puis je serai dans le chat, puis tu viendras toi aussi si t'es là, là. Un épisode quoi, tu dis? Ben, le 14, mettons, on pourrait diffuser cet épisode-là du Garden Party. Exact, c'est ça qu'on il sera fait. Pas live, mais on va le diffuser comme s'il était live. Genre, il serait en première, mettons, mercredi 20h, on vous diffuse l'épisode du Garden Party. Je serai dans le chat. Ça peut être ça, là. OK, fait qu'on... Après ça, on l'amène sur YouTube, ça peut être ça aussi, là. On le met directement disponible sur YouTube, tu sais. OK. On pourrait avoir une first diffusion pré-enregistrée, si on voulait. On en reparle. On va en reparler. Mais checker la page à Dom, on va vous dire qu'est-ce qui s'en vient là-dessus, là. Exact, on va en reparler. La semaine qui dit pas de pression, on veut vous faire quelque chose de fun. Puis pour nous autres, ça serait cool aussi de faire ça, là. Puis il y a beaucoup de paramètres. Je veux dire, c'est ça. Faut qu'on le brainstorm. Ben, faut faire la technique, faut le faire, faut manger aussi là-dedans. Faut faire quand tu ouais, c'est ça. Puis on est-tu juste nous deux? Probablement. Y a-tu plus de monde? On va regarder ce qu'on fait. On va définir tout ça bientôt, là. Exactement. Si on peut arrêter de se faire gueuler par des entrepreneurs, là. Puis... si on peut finir ça. Bon, hey, faut que. Hey, j'ai envie de pisser, man. Ouais, moi aussi, j'ai comme ça. Hey! Merci tout le monde, vous savez où nous trouver, médias sociaux, Papa ouais. Cassette, partout, Young Media. Ce fut un honneur de vous avoir ce soir. Comme merci toujours. À tout le monde et merci au Patreon. À bientôt. Bye tout le monde.